Hey, salut, c'est Renaud, chanteur énervant. Moi j'écoute Actu Solide sur Indestar parce que des fois ils parlent d'alcool et ça, ça me parle. T'en regardes. Tout le monde écoute Actu Solide. Actu Solide sur Indestar. À Bémousse. Bonsoir. Salut. Tu me préviens pas aussi quand ça commence aussi. Il y a un moment, ça parle plus, tu parles. On commence. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Ce soir, je tente un truc. Vous écoutez Indestar. Non, c'est l'autre. Vous écoutez Actu Solide sur Indestar. De 21h jusqu'à 23h. Ah, c'est bien, vous avez compris. Donc on s'est tous plantés sur le premier, hein, bien sûr. Ouais, on réessaye la semaine prochaine. Hein. D'émission, cette fois, je suis arrivé à l'heure. Oui, oui, oui. Oui, c'est comme tous les jours, bah, comme tous les mercredis, 21h-23h, hein, ça change pas. Antoine. Oui. Qu'as-tu fait de ton week-end? Dimanche, j'étais à Chinon, à la forêt de Chinon. Ok, merci. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ah, où oui, Chinon, ça serait bien de placer sur la carte. C'est en Indre-et-Loire. En Indre-et-Loire, ouais. Il y a quoi en Indre-et-Loire d'autre? Bah, des châteaux. Genre des châteaux, ouais. Ouais, ouais, châteaux, genre, de Loire. Châteaux d'Ambre. La Loire aussi, quoi. Optionnellement. Oui. Et oui, donc j'étais cueilli un champignon. Encore? Des pieds de mouton. Il fait que ça. Des champignons. Et tu les as mangés? Non. Ok, d'accord. Donc ça sert à quoi en fait? Parce qu'ils sont peut-être venus. Non, mais on appelle toi à les manger. Ok, nous avons Jolan aussi. Bonsoir. Ce soir. Qu'as-tu fait, Jolan? Ce que j'ai fait de mon week-end, j'ai fait les démarches pour m'inscrire à la salle de sport que je suis allé visiter aujourd'hui. Attends, faut débriefer sur ça. Tout le monde qui se marre, je veux pas dire, mais... Non, mais j'ai rien parce que hier, en faisant mon émission, j'ai regardé aussi les salles de sport et en fait, j'avais envie... Voilà, ah, c'est ça, je voulais quoi vous dire. J'ai peut-être un défi à vous lancer. Oula. Je le dis à la radio, comme ça on est obligé de le faire tous ensemble. Je fais pas de sport. Hein. C'est mort, je vais pas la salle de sport. Moi non plus, c'est mort. Hein. Moi j'en fais déjà les week-ends, ça me suffit. Je dis que j'avais fait les démarches. Hein. Non, mais j'y ai pensé et je me dis ça pourrait être cool. Franchement, je pense qu'on peut bien s'amuser. Ça se prévoit dans un an, donc on a un an pour le préparer. Oula. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Ça va être un marathon. Oula. Quoi? Marathon. On va se faire un marathon de 20 km dans un an. Quoi? 20 km? Mais Amel, on va finir dernière. Mais c'est faisable, en vrai. Je vais mourir. Allez, s'il vous plaît, ce serait drôle. Non, mais je vais mourir. Tu parles du marathon de Tours, là? Mais non, mais on s'en fout. Mais dans un an, j'ai vu qu'il y en avait plein. Est-ce que je peux raconter une anecdote perso? J'ai déjà fait un défi radio comme ça. Ah. Pour, on m'engageait sur un marathon parce qu'il y avait une course. Alors, c'était pas 20 km, c'était 6 km. Et j'avais sorti à l'antenne comme ça, la journaliste, que ce... Oh, ça va, 6 km, c'est pas non plus la mer à boire. Elle m'avait dit... Ah, Théo, c'est pas la mer à boire. Et bah, je te défie de le faire. Oh, et je l'ai fait. Voilà. Et je suis pas mort. Mais j'étais jeune. Ah oui, t'es vieux maintenant. Mais là, on a un an. Non, mais même un an, ça veut dire qu'il faut s'entraîner. J'ai pas envie de m'entraîner. Ouais, moi non plus. Déjà, j'ai pas la motive. Mais moi, je croyais que tu voulais faire une émission de radio sport ou un truc comme ça. Je m'attendais à un. On a déjà fait moi ça. Aussi. Ouais, mais je sais pas. Franchement, mais... je crois que t'emballes mais... pas tout le monde. Mais hein, non, mais moi, vas-y, j'étais chaud hier devant mon écran. Devant mon écran. En vrai, je veux bien. Je veux bien. Mais faut que ça rapporte des sous pour une association pour aider les enfants malades. Ouais, ça c'est bien. Moi, je fais pas ça pour rien. Mais après, on n'est pas obligé forcément courir. On peut courir, marcher, courir, marcher, courir, marcher. Enfin, 20 km, ça beaucoup. Est-ce qu'on peut le faire en voiture? Alors, ça s'appelle plus un marathon, mais un rallye. Un road trip. Ou un truc un peu moins, genre peut-être 6-7 km. Ouais, déjà 6 km, ouais, c'est déjà 20 km, ça va être horrible. Mais est-ce que vous êtes chaud ou pas? Non. Allez, 5 km. Ouais, 5 km, c'est réalisable. 5 km, ok, pour l'année prochaine, on peut s'entraîner. 5 km, je pense que c'est réalisable. 20, c'est sûr, on est mort. Ouais, non, mais clairement. Façon, j'ai vu des petits... Ça veut rien dire si tu t'entraînes. J'ai vu des petits parcours débutants, genre pro, expert, machin. J'ai fait non, on va rester à débutant. Mais déjà, le petit parcours débutant, j'en chie sa mère, alors le pro. Mais c'est pour ça, allez, on se lance ça. Un an. Ok, ok. Pour Actu Solide. Et Linda, t'as bien fait de venir aujourd'hui. Non. Parce que du coup, tu comptes dedans. Oui. Oui, ouais, à l'année sportive, prochaine. Ça se voit, je suis sportive. Hein. Ah, mais nous aussi, ça se voit. Ouais, mais comme nous, hein. Bon, bah ça va alors. On est tous une bonne équipe de bras cassés. Hein. On part de loin. Hein, non, mais je me dis, ça peut être bien. Genre, ça peut souder notre équipe. Mais non, mais moi, je pense juste au cours bateau que j'aurai le lendemain. Ou dessouder parce qu'on sera tous. Il y en aura plus qu'un ou deux qui survivront. Mais remarque, Jolan devrait survivre parce que tu t'inscris donc à la salle de sport. Non, j'ai fait les démarches. Oui, il est pas encore inscrit. Attends. Pas encore inscrit. Et là, je suis un peu sur le cul parce que je peux pas dire non. Ah, c'est trop tard. Non, mais là, j'allais faire un truc de fou. J'allais faire une reprise pour qu'on puisse passer au jeu. Parce que c'est bon, moi j'en ai marre de parler, je veux jouer. Ah bah vas-y. T'as pas demandé à tout le monde et à Linda Mais on se fout rien notre week-end, Payon. La prochaine fois, tu commences par Théo et moi pour le week-end. Bon, Anaïs, déballe-nous en trois mots ton week-end, tiens. Chillé. Ok, merci. Théo, trois mots ton week-end. Un tour à Toulouse et de retour. Ah, c'est bon. Ah oui, et voiture aussi. Eh ben, aller chercher une voiture, ouais. Oui, mais... Linda, repos glandais, rien faire. Voilà, tu vois, ça fait 4 si je puis dire. Voilà, et puis moi c'était pareil, sauf que j'ai travaillé samedi. C'est bon, on passe à autre chose. Ouais, bah c'est bon. Tu vois, genre, il y a eu le mot cohésion, tu vois, genre on n'était pas en cohésion, machin. Je me suis dit, ah, on va partir en cohésion. Partons en cohésion. Des fois on part en colonie, mais là on part en cohésion. Ouais. Et on va toutes cohésitionner, tu vois, genre cohésitionner, tu vois. Très bien, inventons des mots dans cette émission. Cohésitionner. Le petit Amélie est de retour. ça fait aussi, hein. Pour jouer au recto verso ? Ouais. Allez, go. Oh, oh ! Alors, ça rigole pas, parce que cette semaine, je vous ai pris des billets pour la fête foraine, les DJ amis. DJ Anaïs, quoi. Eh ouais. J'avoue. C'est vrai, c'est pas elle mal. Elle a fait waouh. Bientôt en tournée. Vous allez aller à Troumalus-sur-Mer. Génial. À Troumalus-sur-Mer, ouais. Parce qu'il y a une guerre entre forains là-bas depuis quelques jours. En fait, depuis que le petit Marius est né. Alors, c'est le fils de Shelly et de. Eh ben, ça va être à vous de le découvrir. En fait, c'est votre mission de ce soir, découvrir qui est le véritable père de Marius. Parce que, on va dire que Shelly aime les hommes. Et elle ne se rappelle plus vraiment qui est passé à sa porte il y a 9 mois. Donc je me suis dit qu'en allant faire un tour sur place, vous allez peut-être glaner quelques indices et trouver le père de ce magnifique bébé. Moi, je crois savoir qui c'est. Non, tu Comme Carnet. Ah, Chili Comme Carnet. Elle est bonne ta blague. Il s'appelle Marius. Non, mais Chili. Pourquoi oui, c'est Shelly, c'est pas Chili. Ah, il a compris Chili. Oh là là. Ah, j'ai compris Chili, moi. Non, c'est comme Carnet. Non, mais ça aurait pu fonctionner. Oui. Ça aurait pu. Bon, voilà. Est-ce que vous êtes chaud pour aller à la fête foraine ce soir? Ah ouais. Ouais. Attends, je vais le faire avec. Ah ouais. Est-ce que vous êtes chaud à la fête foraine ce soir? Ouais. C'est parti. Ouais. On fait un tour de chenille au moins avec cette voix. Ah bah attends. Bah là, tu fais tout. Là. Je l'ai bossé. Et tu sais que j'aurais bien aimé. C'est un de mes rêves, ça. C'est genre en mission d'intérim d'une journée. Ah, trop de bien. Faire l'animation d'un manège à la fête foraine. Tu m'étonnes. Ça fait partie, s'il y a des forains qui nous écoutent. On est prêts. Recrutez-moi une journée comme ça pour faire l'animation du manège. Promis, je ferai au max. Tu vas nous donner mal à la tête. C'est possible. Il va tellement parler, on va même être malade. C'est pas le manège, c'est sa voix en fait. Mais je te rassure. Il y aura trop d'infos. Je te rassure que tout de suite, Anaïs, ça va nous donner mal à la tête. Hein. Ah bah allons-y. C'est parti pour le champ des migraines. Ah bah voilà. Et un aspirine. Eh. Je viens de me faire fermer ma gueule en 2 secondes, quoi. Oui. Je suis désolée, mais il y a un moment, tu peux pas assez vite. Non, mais en plus, genre, ça va, ça sonnait bien, ça faisait pour le chant des migraines, tu vois. Genre, c'est très c'est bien fait, ça. Comme ouais. si c'était naturel. C'est pour ça. Mais c'était pas du tout fait exprès. Elle, elle prépare jamais son émission comme tout le monde. Mais je le connais. Bah oui, c'est pour ça que tu utilises ton téléphone. Là, aujourd'hui, ça va être le même jeu que d'habitude, je vais vous dire ce que c'est. Mais je vais rajouter un petit plus. Alors, je vous explique. Je vous propose un mot. Vous allez devoir me trouver une chanson. Mais vu que c'est des mots qui ont un rapport avec Halloween, qui ne fait pas forcément partie d'une chanson assez connue, je vais vous demander de m'inventer une chanson avec ce mot-là. Ah, il faut du tac au tac au tac. On va faire le tour de la table. Mm-hmm. Oh. Tout le monde va chanter. Et je vais choisir la meilleure phrase. Ah, c'est une phrase, hein, on est d'accord. Phrase, chanson. Il faut la si chanter. Hein. Ça peut durer une heure, quoi, si on veut. Exact. Quoi. Oui. Est-ce qu'on peut prendre des reprises? Oh, je suis pas très pour, hein. Elle est pas c'est très trop pour. Simple. Il faut tout inventer de A à Z, en gros. Il faut juste que t'aies le mot qu'elle a choisi. Qui est dans la phrase. D'accord. Exact. Okay. Avec le rythme que tu veux. Ok. Mon premier mot est le suivant. Je vous propose le mot Halloween. Allez, je vous laisse un peu réfléchir. Mais très vite, hein. Et tu demandes à qui? À Théo, parce que lui, il était... Pourquoi moi? Bah parce que toi, t'es rapide pour ça. Mais par contre, on est d'accord, si on connaît une musique avec Halloween, on peut la chanter. Oui, et dans ce cas-là, tu gagnes le point. Ok, this is Halloween, this is Halloween. Ah, moi, j'en ai une autre. C'est une chanson qui Mais existe. C'est Halloween. Halloween. Là, on vous a donné un teaser de ce que vous allez entendre tout à l'heure. Du coup, on est bien d'accord que je marque le point. Est-ce que c'est une vraie chanson qui existe? Oui. Bah oui. Bah oui. This is Halloween. Alors je te donne Halloween. Le point. Alors je te donne le point. Merci. Bah moi je la connais pas. Avec plaisir. Grâce à moi, je vous évite de vous ridiculiser. C'est Tim Burton. Merci. Hein? Tim Burton. Ah bon? Peut-être. Ah ouais. Est-ce que vous êtes chaud pour le mot suivant? Oui. Ah putain, ça se voit. Le mot monstre. Est-ce que vous avez déjà une chanson en tête? Ça compte en anglais ou pas? Monster. Non. Sinon j'aurais mis Monster. Oh putain, j'en ai eu moi. Parce que sinon j'avais Vas-y. Eminem. Ah bah non, ça marche pas. T'as d'idée? Non. Non, alors on a le droit d'inventer. Ah bah, inventez-en une. Oh. Inventez-en une, vous avez quelques secondes. Non mais c'est compliqué là, fallait nous le dire en off. Bah non, non, non. Vas-y. Allez, je vais vous faire de la peau comme ça, c'est chaud. Linda? Non, non. Honneur aux invités. Avec monstre, vas-y. Je sais pas, il était une fois des monstres, Ah, j'ai pas dit. Et la suite, c'est quoi? Je sais pas. C'est quoi la fin de mot de l'histoire? Bah, il était qui sont sur monstres. Une île déserte. Non, mais ouais, on peut faire ça. Attends, vas-y, Linda, tu commences. Après, tac, clac, clac, clac, clac, on enchaîne. Il était une fois des monstres, Qui fait très peur, Voilà, qui fait très peur. Qui font Ça m'a même pas choqué. Tu vois? Jolan? Moi, le cuit. Ils font très peur, c'est dit. Ouais. Ouais. Et qui font des monstres qui font des bruits étranges. Et ils ont perdu leur culotte. Oh, c'est drôle. Ah, s'ils en ont une. Anaïs? Ah, moi aussi. Ah, ouais, c'est pas fini. Et leur t-shirt. Mais ça, ça serait rien si les monstres n'étaient pas. Rien. Non, j'ai compris. C'est un peu pourri, ça, hein. Ça veut strictement rien dire. Si ça rien n'était pas vert, ouais. Comme une pomme à granny. Oh là là. Ça manque d'un rythme général, ouais, quand même. Donc, on n'a pas, trop de rythme dans la peau. Eh ben vous savez quoi, moi j'ai envie de faire un dernier mot et qu'on puisse continuer comme ça. D'accord. Ah, ça t'a plu la nouvelle version en fait? Ah bah et oh, pourquoi pas. Alors, le mot fantôme. Oh Gasper, le gentil fantôme. Il t'a niqué. Non. Elle connaît, si, les... bah, c'est connaît. T'as le droit. Antoine, Antoine, un mot avec araignée. Spider cochon. Ah non. Bah non. Un éléphant qui se balançait sur une toile, toile d'araignée. C'était un jeu tellement amusant que tout à coup, boum. Allez, vous êtes bravo. J'adore. C'est Amel, c'est toi qui as gagné. Oui, bah oui, elle est en forme Amel ce soir. Ah oui, mais pourtant. Ah, on se prépare un dernier mot là quand même. Ah, vite fait alors, parce que demain je me lève tôt. Le mot bonbon. Non. Ah non, j'avais la tabatière dans les marques de bonbons, on a le droit ou pas? Non. T'as dit quoi? Les marques de bonbons. Le mot bonbon. Ce qui a fait Haribo, c'est bon. J'étais un bonbon, c'est bon. Plus t'en manges, plus tu grossis. Ouais, c'est vrai. C'est drôle. Non, bonbon, il y a des chansons avec des bonbons. C'est bonbon. Ah ouais, c'est bonbon pour le moral. C'est bonbon pour le moral. C'est bonbon pour le moral. Oh là là. Ouais, vas-y, on accepte. Ouais. Hey, on avait pas dit les pubs. Hein. On accepte parce qu'elle est bonne. Elle est bonne. Pas toi la chanson. Hein. Non mais je me prends. Mais pour le coup, elle est douée. J'ai envie de dire. Oui, oui, elle est pas mauvaise. Ah, c'est dopé. C'est non, mais t'es une mauvaise foi. Non. Mais si, la fois il me faisait des fucks, rappelle-toi. Je suis choquée. Donc du coup, bah je vais te tabasser juste pendant la musique là. Il y aura plus de. Mais bougez pas parce que juste après il y aura moi. Question pour un concon qui arrive. Ah. Mais juste avant, Anaïs, on écoute. Oh Aïcha. De Ala Wardi. C'était quoi ce cri? Une reprise de Khaled. Actu solide, 21h, 23h le mercredi, uniquement sur Indestar. Et oui. C'est de la vasine. Ah bon. C'est de la vasine. Kiss, kiss, kiss. C'est de la vasine. Kiss, kiss, kiss. Eh, hey, ça glisse sur Indestar. Comment veux-tu être sérieux, toi? Franchement, à quel moment on a dit qu'on était jingle? J'allais commencer à parler, j'entends c'est de la vaseline. What? Mais oui, c'est mais pour se mettre à l'aise. Voilà. Mais c'est Actu Solide sur Indestar. De toute façon, c'est de la YOLO musique. Anaïs, c'est quoi une YOLO musique? Bah, c'est une musique, c'est dans le titre, non? YOLO. YOLO, YOLO. YOLO, YOLO. YOLO, non, en gros, ça veut dire vas-y et on s'en fout, quoi. Voilà, c'est une musique qui est assez atypique, qui est assez originale, qui est assez quoi. Que personne n'écoute, bien sûr. Genre, personne n'écoute, c'est de la vasine. Sauf nous. Et vous? Non, y a, toi. Il y a toujours un con pour écouter, de toute façon. Voilà. Nous, on supporte juste, clairement, on supporte juste. Mais c'est Gilles Dor, il s'appelle, ce mec-là. Et il fait beaucoup de musique de ce type-là. Ah, bah, je comprends pourquoi il est pas connu. J'y vois, c'est ce que j'allais dire. L'une de ses plus connues étant Liberté, Égalité, Fraternité, Sodomisée. Ah, qui est pas mal. C'est un petit rajout, c'est un supplément quoi. Ouais, bah oui, il va plus loin. Toujours plus. Plus loin. On a dit d'attendre 22h. Ah, mais il a rien dit. Ah, pardon, bah moi je. Liberté, égalité, fraternité alors. T'imagines, maman, vous allez dire quoi, sodomisé? Bah rien, c'est parce que tu passes par derrière. Mais oui, c'est un autre accès quoi. Voilà, c'est un autre accès, c'est bien. C'est quand tu rentres chez toi, tu rentres par derrière. Voilà, comme dirait Jolane, c'est un terrain boueux. C'est la porte de service quoi. J'ai pas osé le dire, tu le répètes. C'est quand la rivière est rouge, tu passes par là. Il y a rien de vulgaire dans terrain boueux hein. Bon, on dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de marcher avec nous. On c'est de dîner avec nous. Mais oui, les filles. Ah merde. Eh, nous on est parti marathon, on est parti pour marcher hein. Ah, pour le coup, ça me gêne, on va te marcher dans la boue avec vous là. Ah, si ça me dérange pas, moi j'aime bien. Non. Ah, la boue. Bon. Ah. Un peu sérieux. Voilà, restons un peu plus sérieux. Passons à question pour un concours. Est-ce que c'est vraiment sérieux ça? Je sais pas. Mesdames, messieurs, elle est drôle, elle est sympa, elle vous enjaille chaque semaine sur Indestar et elle est enrobée de questions à vous poser. Amel pour question pour un concombre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment va Henri de la régie? Écoute, ça va très bien. Tu vas très bien? Je vais très bien. Tu es sûr? Oui. On dirait ce Christori. Ici la voix. Ici la voix. M'entendez-vous? Pardon. Je répète un peu le principe de question pour un concon. D'accord. C'est un jeu de questions. Oui. Un peu concon, hein, parce que voilà. Tout est dans le titre, donc. Voilà, j'ai pas des candidats super, super cultivés. En gros, on est en train de dire qu'on est con. Ouais, mais avec un con. Avec un K, oui, si avec un permettre. K. C'est mieux. Et du coup, bah, je vais vous poser des questions. Ça va se passer en 3 manches. Et attention, le gagnant va gagner. Roulement de tambour, là, comme ça, là. Une magnifique citrouille. Youhou. En même temps, c'est... Pour Halloween, voilà. L'équipe est heureuse de vous offrir cette magnifique citrouille avec, bien entendu, notre partenaire... Citrouille-man. Citrouille-man, évidemment. Vous l'avez dit, très chère Anaïs. Très chère Amélie, pardon. Ah, pardon. Non, c'est... Non. Bah, quand même. Je me suis planté. Ce soir, présentation des candidats. Ce soir, nous avons Salomé avec nous. Bonjour, Salomé. Bonjour. Tu as quel âge? 15 ans, c'est ça? Oui. Et ah oui, on m'a dit que tu voulais devenir comme ton papa, ça veut dire glander sur le canapé toute la journée. Avec une bière. Quelle sorte de bière? D'espé. Non, pas mal, pas mal, pas mal. Nous avons Richard aussi. Richard, ça revient à la mode en ce moment, les vieux prénoms. Oui. Comment vas-tu, Richard? Ça va très bien. Putain, t'as une voix. Drôle de voix pour un. Richard, 13 ans. Ah, non, 15 ans, 15 ans. 15 ans. 15 ans, la régie s'est trompée. Et du coup, ah oui, tu voulais devenir routier? Oui, c'est ça. Mais ton père m'a dit au téléphone qu'apparemment ça s'est mal terminé. Oui, j'ai fini dans un fossé. Voilà. Attends, donc on abandonne le métier de routier, hein. Oui. Voilà, c'est bien. Conduis une smart. Oh, mais dis donc ça suffit, hein. Et nous avons Bertrand aussi avec nous. C'est pas cher. Tu as le plus jeune, 14 ans. Ah. Il est content d'avoir 14 ans. Et on m'a dit que tu adorais regarder Oui Oui et Dora, et apparemment un seul sursaut, tu cries. Un seul cri, tu sursautes. Un peu trouillard, ouais. Ah. Ça va? Non. Ça va aller pour spécial Halloween? Ah, ah, mais ça va pas! Elle est tarée! Mais ça va pas! Et là, pour le coup, j'ai vraiment eu. Ça a fonctionné! Elle est con, mais c'est pas possible! Et nous avons aussi Linda aussi qui participe à ce jeu. Salut. Ce soir. Linda, tu as 15 ans? Oui! Tu fais quoi? Tu veux faire quoi dans la vie? Je veux faire des jeux vidéo. Ah, bah nous avons Jolane aussi qui sera ouais, c'est parmi mon pote, nous hein. Juste après. Ah oui. Toi aussi tu fais des dates. C'est trop mon poteau, ouais, c'est mon pote. Bon allez, est-ce que vous êtes chaud? Non. Ouais. Je recommence, est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Et bah passons tout de suite à la première manche. C'est simple, 3 questions, 3 propositions de réponse. À vous de me noter la bonne réponse sur l'ardoise. À la fin, il n'en restera plus que 2. Ah, et peur. Vous jouez pour question pour un con. Eh, hey, pas mal. J'étais prête. Ah, il était presque dans le timing. Ouais. Pour une fois que notre animatrice réussit à être dans le timing. Elle est en train de s'étouffer en direct. J'ai failli vomir. Ah, question numéro 1. Attention à vos ardoises. Quel est le prénom du héros d'Halloween qui a une tête de citrouille? Petit A, Jack. Petit B, Jim. Petit C, Jules. C'est trop facile, hein. Oui, mais regarde les candidats que j'avais connus. Question pour un concours. Ah, ouais, bah ouais. Je connais pas, moi. C'est vrai. Eh, mais c'est Halloween, c'est tous les ans, t'es toujours pas au point. Et la bonne réponse, vous avez tous bon. C'était la réponse A. N'ayez pas trop d'égalité, hein, parce que j'ai pas trop de questions en rab. Ils sont quand même cultivés, tes concours. Hein. En mettant cultivation pour ça, cultivation. Cultivaticité. Comme ça, quoi. Nous avons trouvé mieux. Question numéro 2. Dans quel pays est née la légende d'Halloween? Petit A, l'Irlande. Petit B, l'Autriche. Petit C, Espagne. Trop face. Trop face. Quand on est jeune, on ne fait que la moitié des mots. Du coup, nous avons petit A pour Richard et Linda. Nous avons pour Salomé un petit C. Et pour, je sais plus son prénom, Bertrand. Bertrand. La régie, vous pouvez m'aider quand je veux quand même. Hein, il a la ramasse aussi. Hein. Et la réponse, c'était la réponse A. Ah merde. Alors, qui a la bonne réponse? Linda et... Richard. Et le petit chauve là-bas. J'aime bien la voix de Richard. Richard. Je pourrais dire le pays là. L'Irlande. C'était pas en Espagne? Non, c'est Celte. Ah, et l'Irlande. Et oui. C'est l'Irlande. C'est comme ça. L'Irlande du Nord ou l'Irlande du Sud, à vous de choisir. Pardon, je comblais les trous. C'était le temps que je retrouve ma feuille aussi. Hein. On peut pas être sur Actu Solide et organisé en même temps. C'est pas possible. Hein. Question numéro 3. Quel est le poids de la plus grosse citrouille? Petit A, 771 kilos. Petit B, 811 kilos. Petit C, 821 kilos. Si je peux m'exprimer... Oh, la vache. Ça, c'est... Non. Ça, c'est de la citrouille. Oh, la citrouille. Elle est énorme. Nous avons pour... Putain, je me rappelle jamais des prénoms. Bertrand. Bertrand. Non, c'est Richard. C'est Richard. Oui, c'est Richard. Richard, c'est... Richard, nous avons le B ainsi que Linda et... Linda Humpa. Désolée, j'avais envie de le faire depuis 3 heures. Hein. Et du coup, pour Bertrand, nous avons le A et pour Salomé, nous avons le C. Mm-hmm. Et la réponse, c'était la réponse C. Ah oh, oui. Un point pour Salomé. Ça fait deux. Et merde, nous seul avons... Bertrand est à la traîne pour le moment. Non, c'est étonnant. J'ai dit mes trois questions là. Ah bah c'est fini donc. Est-ce que tu peux me rappeler Nous avons une égalité entre Salomé, Richard et Linda. Ah, je ne voulais pas d'égalité. Ah, je l'ai bien fait. Je vous l'ai dit. Ouais. Bah, en que faisons-nous? Une petite question de départagation. De départagation. Wouh. Ah, vous êtes fort ce soir. Hein. Alors, que portent souvent les fantômes aux pieds? Petit A, des chaussures. Normalement. Des tongs. Petit B, des baskets. Petit C, un boulet. Bah, moi de base. Tu te tais, t'écris. C'était quoi le C? Un boulet. Non, c'est toi le boulet en fait. Est-ce les tongs, le boulet? Ça va pas départager en vrai. Si, ça. Si, c'est bon, elle s'est trompée. Salomé, pour toi, les fantômes portent des baskets. Les fantômes, pour moi, n'ont pas de jambes, ne volent pas. Il n'y a pas de pieds, il n'y a rien. Alors si, les fantômes volent. Non, mais ils volent, donc pourquoi mettre des godasses? J'en sais rien, t'as qu'à leur demander. Elle a pas tort, de ce côté, moi, j'aurais rien répondu. Bah, moi, si. J'aurais mis rien du tout. Ils ont pas d'orteils. Nous avons Richard et Linda qui sont qualifiés pour la deuxième manche. Bertrand, quant à vous, vous repartez absolument sans rien du tout. Avec un point, oui. Quant à... Oui, un point, c'est pas suffisant pour repartir avec quelque chose. Quant à Salomé... Salomé, pardon. Vous repartez avec un drap qui pourra vous servir de déguisement pour Halloween. Pour me déguiser en fantôme. Avec des tongs. Non, ouais, des baskets. Non, des baskets. Ah, des baskets. Et passons tout de suite à la deuxième manche. Il me reste deux candidats, trois questions sans proposition de réponse. À vous de me dire en buzzant quelle est la bonne réponse. C'est et quoi, vous jouez pour. Ils doivent buzzer comment? Question pour un concon, tu m'as raté. J'étais dessus. Ouais. Elle aurait pas pu, si, je sais pas si je vais réussir à en faire une pas mal, tu vois, mais on doit m'en aller. Vous me gênez, hein. Alors, ton buzzer, Richard. Oui. Ça va être. Ah oui, alors okay. Il faut préciser que quand vous avez la bonne réponse, d'accord. Vous faites le son qui est demandé par notre animatrice. Merci Henri. Avec la bouche, hein. Oui. Bah, pas avec le cul, ça va. On n'a pas de budget non plus. Hein. Et du coup, Linda, tu devrais dire Cocorico. Cocorico. Voilà. Okay. Et Richard, du coup, t'as entendu? Oui, moi c'est C'est bon. Passons tout de suite à la première question. Quel aliment fait fuir les vampires? Cocorico. Richard. Van. Yes, bonne réponse, bon Richard. Attention, Richard est un bon candidat. Il nous l'a prouvé dans les manches précédentes. Bah non, c'est la première fois qu'il vient. Oui, mais ses collègues. Ils sont plusieurs dans la salle. Question numéro 2. Comment se déplacent les sorcières? Cocorico. Allez. Le 1-1 était d'abord. Hein. Le balai. Oui. Bon, nous avons déjà un gagnant, mais juste pour le kiff. Juste pour le kiff, on envoie la troisième question. Comment s'appelle la fille de la famille Adams? Cocorico. Mercredi. Oui. Bah oui, tu n'auras pas fini. C'est trop tard. À ne pas confondre avec l'ami de Robinson Crusoe qui est vendredi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais c'était sur une île déserte, donc soit, aucun rapport. Non, pas du tout. Et pas d'Halloween à l'horizon. Oui, mais... Mais juste pour signaler les jours de la semaine. Voilà. Hein. Et aujourd'hui, on est... On mercredi. Est mercredi. Ah vache, Henri de la Régie a du mal. Hein. Nous avons un gagnant. Tout à fait. Oui. Nous avons Bertrand. Richard, pardon. Richard. Ah ouais, qui... gagnant. Richard qui continue alors que Linda s'arrête ici. Mais oh, Linda, vous ne repartez pas sans rien. Ouh. Puisque vous repartez avec notre sachet de bonbons périmé depuis 2012. Magnifique, je suis ravie. Je vais vous le laisser, comme ça il périmera encore. Hein. J'avais quoi moi de base déjà? Un drap. Ah, oui, comme vous l'avez compris, Richard est le grand gagnant. Mais pour pouvoir gagner le cadeau, la citrouille, il va falloir passer à la troisième manche. Il faut que tu me répondes à une charade et tu as 30 secondes pour y répondre. D'accord. Essaye de combler un peu le trou pour que je puisse mettre le question pour un con bien correctement là. Oui. Question pour un con. C'est pas trop mal. C'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Attention. Vous êtes prête pour la charade? Oui. Bah après, excusez-moi. Non, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mon premier se trouve parfois sur le lit. Mon deuxième se trouve entre les P et le R. Mon troisième se trouve entre le sol et si. Mon tout est tristement célèbre. Dracula. Et bravo, nous avons notre gars. C'était magnifique. Bravo Richard, vous ne repartez pas les mains vides, puisqu'évidemment vous gagnez notre magnifique citrouille d'Halloween. Oh, c'est très gentil. Qu'on nous a donné bien sûr, hein, parce que pas trop de moyens. Donc ils sont. Je veux pas dire, mais elle a une sale gueule, elle est verte. Oui, c'est un mélange avec une courgette. Remarque, c'est avec la couleur de la radio. Une destin. Voilà, voilà, exactement. Du coup, faut que j'arrête avec mes du coup. Je voulais remercier tous mes candidats d'avoir participé à ce jeu. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux candidats et de nouvelles questions pour Question pour un... Concon. Avec un K. Bien. C'était pas mal. Richard est très fort, hein. Ouais, franchement, bravo. Hein. Ouais, franchement, chapeau à lui. Hein. Il a pas l'air comme ça. Hein. Est-ce que vous avez envie d'aller à la fête foraine? Oui. Oui. Est-ce que vous voulez découvrir qui est le papa du petit? Bah oui. Bah oui. Marius. Bah, les petits Marius. Ça changera rien à ma vie, mais on essaye. Après. D'y mettre un peu du tien. Peut-être leur dire qu'au pire on a les tests ADN aussi qui existent aussi. Oui, mais ça voudrait dire qu'il faudrait sonder tout le monde et il y en a du monde à la fête foraine. Hein. Ah oui, c'est que. Bah ouais. Ah oui, elle c'était pas un manège quoi, c'était un. Ah non, mais. C'était non. Une maison close le truc quoi. Mais juste avant. C'était l'attraction. Pour changer. Oh là là. Pour changer. Oh oui. C'était le Anaïs, on écoute quoi? Anna Free, it's time. Ouais. Sur Indestar. Parce que c'est beau. Bon, on dit que c'est magnifique. Actu solide sur Indestar, il y en a pas deux et c'est pas plus mal. Et oui, Actu solide sur Indestar jusqu'à 23h, je sais pas si je vais t'en faire une bien. Hein, parce que depuis tout à l'heure, soit je parle trop tôt, soit je parle trop tard. Un bout d'un moment. Beaucoup de la parole. Bah, essaye de t'adapter à moi. Hein. Et voilà, Théo n'a plus de micro. Non, mais c'est ça aussi. Hein. Recto verso. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Vous êtes toujours là, l'équipe? Ouais, mais faut nous redire ce que c'est. Ouais, explique-moi. Bah, moi, je me rappelle pas. Alors, Actu Solide, c'est un jeu. C'est un jeu. On nous propose une mission. Voilà, une mission qu'on devra faire en trois défis, trois étapes. Pour avoir la réponse, bien sûr, oui. Pour deviner la bonne réponse. Et là, on part à la fête foraine. Ouais, parce que pourquoi vous partez à la fête foraine, les amis? Il y a un enjeu quand même pour ce soir. Pour trouver le papa du petit Marius. D'accord. Savoir qui c'est. Lequel c'est parmi tant d'autres. On sait qui est la mère, ce qui est assez logique, mais on ne sait plus qui est le père. Donc il va falloir retrouver qui est le père. Voilà. C'est votre mission ce soir. Ah. Alors partons à la fête foraine, très bien. Et on va où? Bah, à la fête foraine. Et si on faisait plaisir à Théo, on va faire un petit tour autopoponeuse. Autopoponeuse. Je voulais dire avec ce mot-là. On l'a compris au moins. Allez, on y. Bonjour. Moi c'est Paco. Vous venez pour auto-tamponner? Et ben moi je vais vous tamponner. D'accord. Ah, vous faites peur. J'ai pas envie de rester du coup. Ça fait psychopathe. Donc vous voulez faire des auto-tamponneuses? Oui. D'accord. Et bien voici. Vous êtes combien? 4 tickets. Ah, 5 avec la petite dame. 5 tickets. Il l'avait pas vu. Allez, si vous pouvez aller auto-tamponner. Yes. Tamponnons. Pas. Mais les gars, on n'est pas là pour s'amuser. Bah, si. Mais on est là pour parler avec Paco. Faut qu'on trouve notre but, c'est de trouver. Ouais, mais d'abord on fait un tour. Jouons déjà aux auto-tamponneuses. Vous vouliez me parler? Oui. On recherche en fait le papa du petit Marius. Ah, très bien. Eh ben, je ne saurais vous dire. Par contre, vous allez quand même tester ma première auto-tamponneuse. 4 personnes, 5 personnes même. Oh, elle est big. Oui, tout à fait. Vous montez à l'intérieur et puis je vais vous indiquer quelle direction prendre. D'accord. Bah, nous, ça nous va. Très bien, il faut que je rajoute des piles dans mon micro. Super. Parce que je vais vous guider au micro. Ok, d'accord. Ah oui, donc forcément. Mais ça peut être assez. À ce que j'ai important. Compris, on va devoir choisir entre gauche un et droite. Un chemin à droite ou à gauche. Ou tout droit. Il a dit con, ça j'ai pas entendu. Mais c'est impossible d'aller à droite ou à gauche, c'est assez carré, une piste d'autotamponneuse. Mais oui, mais tu vas pas toujours tout droit, tu vas à soit à gauche. Eh bien, on peut tourner à droite ou à gauche, évidemment. Alors. Vous ne l'abîmez pas, évidemment, mon auto-tamponneuse, parce qu'elle m'a coûté un bras. Hein. C'est l'héritage de Tante Myrtille, donc ça serait dommage de l'abîmer. Vous êtes prêts? Donc, c'est un véritable voyage que je vous propose. Vous montez à l'intérieur, allez-y. Est-ce que vous êtes. Ouais. Ah, c'est juste, hein? Ah, c'est juste, bah, c'est un petit peu serré. Ouais, pensez au régime, ma petite dame. Ah, bah super, merci. Ça fait plaisir. Ouais. Alors, attention, est-ce que vous êtes chaud? Oui! Alors, je vais vous guider de mon micro. Vous allez me dire si vous m'entendez. Là, vous m'entendez? Oui. Voilà, je suis en direct de la cabine. Par contre, il faudra penser à changer les interphones. Hein. Il est très bien, mon micro. Alors, vous allez commencer dans la direction de l'Allemagne, c'est-à-dire. Il faut me dire. Nord, sud, est, ouest. Hein. Oh putain! Ou nord-est, ou sud-est, ou. Est, est, nord, nord-est, sud, au sud! Alors, vous commencez dans la direction de l'Allemagne, vous êtes d'accord sur. Nord-est. Est. Nord. Nord-est. Bah alors le nord, l'est. Mais non. Ah l'est. Bah alors l'est. Ouais. C'est l'est. L'est. Oui, il va falloir aller plus vite. Vous allez maintenant tourner direction la Sicile. Oula. C'est où? Sud. Sud. Sud. C'est aussi complètement l'opposé. Sud. Sud. Oui. Le sud n'est pas l'opposé de l'est. Non, mais je te parle de l'Allemagne, moi, Paco. Oui. Et ben bah, c'est pas l'opposé. J'ai l'impression que tu parles à mon chien. Vous prenez maintenant vers la Russie. L'est. Est, ouais. Est. C'est pas la bonne réponse. Sud-est. Non, ben non. Nord-est. Non, nord-est. Au nord. Nord-est. Ouais. Nord-est. La Finlande maintenant. Oula. Nord. Au sud. Oh là là. Ah non, c'est le nord. Nord-ouest. Le nord-ouest. Ah oui. C'est la bonne réponse. Il vous reste il très peu de temps pour revenir en France. À l'ouest. C'est toi qui es à l'ouest. Non, ben sud-ouest. Sud. Sud-ouest. Non. Sud-est. Bah, sud-est, c'est la bonne réponse. Eh, vous êtes sûr? En plus, on nous a même pas aidé, quoi. C'est vous n'êtes pas doué en géographie, non. Apparemment. Non. Je sais pas si. Eh, vous m'avez pas entendu pour une fois dans l'émission. Ça a toujours été mon défaut. Bon, alors, comment vous trouvez mon auto-tamponneux 5 places? Pas très confortable. Bah, toujours aussi, juste en pas vrai. Pas très confort. Hein. J'ai une fesse à l'arrière, mais bon, enfin, qui sort, mais bon, c'est vrai. Bon. J'ai le cul entre deux chaises, comme on dit. Je ferai remonter l'information. Mais en tous les cas, merci de me l'avoir pas. De me. Pas l'avoir cartonné. Vous vous moquez de Paco? Mais non. Attention, hein, ne vous moquez pas de Paco, hein. Vous allez pas commencer. Paco, commencez. Bon, allez, bon courage pour votre enquête. Si je peux faire quelque chose. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai mis en cloque, hein, la demoiselle. Moi, je suis marié déjà. On travaille pas à la famille, hein, comme vous savez. Et puis, mon petit Diego, il est né il y a même pas un an. Alors, voilà. Un an. Ok. Allez, salut. Salut, salut Paco. Bon, alors, est-ce que vous avez l'indice? Un an, je pense. Ouais, un an, il a. Bon, il a déjà un enfant. Ouais, plutôt an. Ouais, moi je crois qu'il a plus accentué sur le an que sur le un an. Hein, ah ouais. Après, ouais, je vais pas vous induire en erreur, hein, mais. Bon, déjà, on sait que c'est pas Paco. Ouais, déjà. C'est déjà pas mal. Parce qu'il l'a dit. Ouais. Ah, ça vous suffit pour dire que c'est pas lui. Ah ouais, non, c'est vrai. Ah bah, raison. Moi je lui fais confiance. D'accord, bah écoute, très bien. Donc c'est, pour vous c'est pas Paco et c'est surtout il a accentué sur le mot en. Année, ouais. Okay. Pourquoi en? Bah je sais pas. Genre moi ça me fait penser à l'âne quoi. D'accord. Peut-être que c'est un rapport avec les animaux. Elle s'était fait monter par un âne. D'accord. T'imagines ta gueule de petit. Je sais pas si c'est dans le synopsis ça. Oh le scénario. Très très bien. Juste après en faire tout un Jolan. Est-ce que tu es chaud? Bah oui toujours. Et il y a le Dico Dingo aussi qui suit avec Antoine. Oui. Mais avant ça, on écoute. Ah, j'en étais sûre que c'était pour ma poire. Non, allez, un kiff pour Théo, vas-y Théo. Alors, c'est un bootleg déjà, donc un mélange entre plusieurs chansons. Entre Laurie Neal, qui était la chanteuse des Fugees. Ah, c'était excellent. Killing me softly, with me song. Ah, killing me softly. Ouais, c'est ça. Je préfère quand même la vraie version. Donc Lauryn Hill et Bring Me The Horizon. Et le titre s'appelle Bring Me That Thing. Il manque des lettres au titre, mais bon. Sur Indestar. Et sur Indestar, évidemment. C'est sur Indestar qu'il manque des lettres. Actu Solide, tous les mercredis, de 21h à 23h sur Indestar. Et oui, allez. Ah, à chaque fois, tu te fais avoir. Et oui, allez, on se la retente. Vous écoutez Actu Solide avec plus d'entrain s'il vous plaît. Vous écoutez Actu Solide sur Indestar. Chouchou. 21h à 23h. Merci. De rien. Et s'ils veulent réagir avec nous au 09 70 407 306. Et c'est gratos. Voilà, c'est bien. On a aussi les réseaux sociaux. Nous sommes à la page aussi chez Indestar. À la page Facebook. Ah, c'était beau ça. Et d'ailleurs, ils n'ont pas changé de prénom comme tu nous as dit. Hein. Non, ça va arriver. J'ai dit que c'est pas Facebook qui va changer de prénom, de nom. C'est la société Facebook. Oui, mais du coup, ça va s'appeler autrement quand même, ouais. Ou pas? D'accord. Normalement, ouais. D'accord. Ah bon? C'est débile, perso. Bah, oui, ça sert à rien. Pourquoi pas? Pourquoi? Bah, non, je trouve pas ça débile dans le sens où Facebook, Instagram, WhatsApp et compagnie. Ouais. Donc pourquoi ça s'appellerait que Facebook? Ça pourrait s'appeler une autre entité. Ouais. Mais nous, ça va pas nous changer à notre niveau. On utilisera toujours Insta, Facebook et WhatsApp. Voilà. C'est ça. Ce sera toujours obsolète hein, si change le. Comment ça obsolète? Bah, Facebook, plus personne va dessus. Enfin, arrête tes bêtises. Alors il y a environ 2 milliards de personnes sur la planète. C'est juste les ados. Facebook, mais bon, sinon. Si, je t'assure que les gens vont sur Facebook. 2 milliards sur 7 milliards. Mais nous. Ah, c'est déjà pas mal. Mais nous, notre Facebook, il change pas, il continue à s'appeler Indestar. Mais bien sûr. Oui. Indestar tout court. Et sur Insta. Indestar Radio. Tout attaché. Oui. Sans majuscule. Non. Sans ponctuation. Non. C'est nickel, c'est parti. / _. Ah, oula. J'ai rien compris. Hein. C'est de l'informatique. Oui. Allez, bon, on va continuer avec Jo, hein, c'est plus simple. Hein. Jo. Oui. T'es prêt? Oui, je suis prêt. En faire tout un Jolan? Oui, toujours. Et ben c'est parti. Raconte-nous. Générique! En faire tout un Jolan! En faire tout un Jolan! En faire tout un Jolan! C'est générique ça! Pardon, je voulais faire un canon. J'avoue qu'il va falloir que j'ai mon générique là pour Bah et alors, on te le fait un générique toutes les semaines, tu vas pas te plaindre. C'est propre. C'est propre, c'est nickel, c'est efficace. Oh, c'est carré. À quoi consiste ton jeu? Alors le jeu consiste à deviner deviner la suite de l'expression que je vais vous citer ou trouver le sens. Je vais y arriver. La signification de cette expression. La signification de cette expression. On fera un générique quand tu connaîtras la consigne. Blam. Ça c'est fait. Bam. Ok. Bon, c'est pas la peine d'en prévoir coup. Hein. On va régler ça sur le parking à la fin. C'est pas parce que tu t'es inscrit à la salle de sport. Hein. Théo, là, il tremble en moi. Là. On va rayer ta voiture. Je suis sûr qu'il s'est fait dessus, Théo. Ta nouvelle voiture. Voilà, ta nouvelle voiture. Techniquement, il est même pas inscrit, il a fait les démarches. Ouais. Il a déjà gagné un muscle, rien qu'avec ça. Mais je vous encrotte, voilà. Ah, je vous encrotte. Mais c'est mignon. Il faut quand même rester poli à la radio. C'est mignon. On n'est pas avant 22h. Ouais, c'est ça qui est pas encore 5 minutes et 10 secondes. Bon. La première expression m'a fait beaucoup penser à Amélie. Ça m'a fait rigoler. Bah dis-la pas alors. Si, on passe à la deuxième. Je vais la dire. Et là, tu vas nous dire l'expression, faut qu'on devine alors, ce que là, ça veut dire ou. Va falloir deviner. Ou le bout de la phrase. Non, va falloir deviner le sens de l'expression. Ok. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu l'expression ouvrir la boîte de Pandore? Ah oui. Oui. Est-ce que ça vous parle? Ah oui. Oui. Alors, qui a des idées déjà? Personne. Ah, faire un scandale, coup, ça m'inspire. Faire un scandale. Ouais. Non. Genre moi je fais des scandaux. C'était pas mal ça. Être un peu fofolle. C'est pas loin, ouais. Gueuler tout le temps. Non. Être excentrique du coup. Être atteint psychologiquement. On se calme, on parle un peu de moi là quand même. Non, c'est quand... Si on pouvait me respecter en fait, un c'est peu. Quand découvrir quelque chose. Non, c'est pas ouvrir la boîte de Pandore, c'est pas. Enfin, il faut imaginer. S'inventer des mots. Comment dire ? Oh, t'arrêtes pas de. Parler ? Non. D'ouvrir ouais. ta gueule. Non, mais je sais pas comment vous l'expliquer. Alors, j'ai déjà entendu cette expression, et je me rappelle plus exactement la signification, exactement. Mais je crois que quand tu ouvres la boîte de Pandore, après, en fait, tu découvres quelque chose qui te fait aller. Comment dire ? C'est une évolution. Je parle non, pas une évolution. Genre tu ouvres quelque chose et genre c'est le début. Non, mais c'est non non. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, non ? Non, tu te trompes. Oula ! En fait, c'est quand quelqu'un, je vais vous le dire parce qu'elle est quand même assez compliquée. T'as raison, Amélie est compliquée. Et c'est quand quelqu'un n'est pas doué en fait qui cause c'est ça. De catastrophes. C'est en fait, oh, mais tu fais que d'ouvrir la boîte de Pandore en fait. Ah ouais. C'est... Ah, ouais. Je pensais pas que c'était ça. La signification, c'est tu fais cause de tu. D'accord. Tu ah oui, pour moi c'était boulettes, c'était ouais genre. Ah non c'est ça. Je... Nouvelle vie ou quelque chose. Ouais. Oui quelque chose. Oui en fait par exemple on te fait découvrir la radio et en fait waouh tu dis ouais c'est vraiment le métier que j'ai envie de faire. Et là. Voilà. Pour moi c'était un peu ça. La boîte de Pandore. Ouais. Mais non, mais j'ai certes. Ouais, tu vois, moi je m'attendais pas à ça non, moi non plus. Ouais, hein. Du coup, ça m'a fait penser à toi quand j'ai. Moi aussi, je m'attendais vraiment et pas à ça. Et ça te fait penser à toi, à elle, pourquoi du coup. Parce qu'il n'y avait pas de vie, maladroit. C'est une catastrophe naturelle déjà. D'accord. une catastrophe. Mais pas se défendre. Ah, dis quelque chose. Pardon. J'ai plus envie, j'ai plus la force de me battre. J'ai plus la force. Mais après, je peux comprendre, hein, je suis une catastrophe, genre je suis une bombe nucléaire. Quoi. J'en étais sûre. La meuf, elle est narcissique comme t'as une info sur ça. J'ai dit une info, pas une info. Attention. Attention à la liaison. Non, elle s'appelle Catherine. Oh non. Big up à toi. Se reconnaîtra qui pourra. Non, tu disais, Amélie, que tu étais une bombe, ouais. Ouais, juste une bombe. Alors. Merci. Non, mais elle elle explose, la bombe. Ouais, elle passe plus de 3 elle tonnes. A pas compris, elle... Mais allez, là, passez à la deuxième expression. Ouais, on passe à la deuxième. Là, il va falloir deviner. La... J'avais pas de répondant, là, ma foi. Non, juste, non, est-ce que tu pourrais prononcer expression, voir expression. Expression. Expression. Voilà, ouais. Merci. Pourquoi j'ai dit quoi expression. Expression, toi. Non, moi, toi, c'est là, un espresso. C'est comme... Voilà, c'est comme le bon café, un espresso. Ouais. C'est mignon. Là, voilà. C'est la façon de dire à quelqu'un d'une autre manière que tu es débile. Ouais. Bah, Amélie. Que tu es... Ça me fait penser aussi à toi. T'es complètement starvé. Que tu es débile, que tu es stupide. Attendez encore 1:30 et je vous massacre. Donc là, il faut trouver l'expression. Donc là, il faut trouver la suite. Donc quand je dis une triple, tu es une triple. Andouille. Buse. Ouais, bien, c'est ça. Théo, bah oui, triple buse. Mais je connais même pas. Ah, triple andouille aussi, ça marchait. Donc Amélie, tu es une triple buse. Mais c'est une vieille expression du coup, toi. Ouais, bah, je dis expression, ouais. Ma foi, t'as même pas de punchline. Non, ça veut pas sortir ce soir. Pourtant, non, mais c'est parce que je suis là, pas me choquer. Mais non, ouais, mais non, mais pourtant. Non, parce qu'il n'est pas encore 22h, c'est pour ça. Oui, ah ouais, il y a peut-être des enfants. Et c'est les vacances aussi. Mais on s'en fout, même en vacances, les enfants, ça dure. Et quand il fait. Quand il fait une. Là, il va falloir deviner le sens. En tout cas, les enfants, ça a plus d'énergie que toi. Ah, tais-toi. Allez, on bouge. Là, il faut deviner le sens. Quand il fait une chaleur écrasante, qu'est-ce qu'on dit souvent ? Canicule. Chaleur. Ça crame, je non. Vois. Il fait un soleil de. D'enflamme. De. Voilà. De plomb. De, ouais, de plomb. Roulé, il est plus de fort ça. Que voilà. Donc, Linda, elle l'a dit aussi. Le moi, gagnant, j'ai dit d'enflamme. Non, moi, j'ai dit de plomb. T'as dit de plomb, toi ? Mais j'ai dit de plomb. J'ai pas entendu. Mais écoutez les podcasts. Bah ouais, tiens. Bah je réécouterai, mais j'ai pas entendu. J'ai dit de plomb. Sur une des points. C'est deux plombs. Moi je compte le point Théo parce qu'il l'a bien prononcé. Mais je l'ai bien prononcé aussi tout à l'heure. Mais c'était tout à l'heure. Oh, est-ce que tu peux te décaler oui, par là. Pardon. Ça y est, il me de la guerre aussi. Ouais, tout à l'heure il me rentre dedans, ça m'agace. Alors. Mort. Pour toi, apparemment, t'as bien qu'on te rentre dedans, mais bon, là ça change. Ouais, pas le sens là. Oh. Et sinon, t'en as une autre ? Non, c'était la dernière. Ah, c'est tout ? 3, c'est 3. Non, mais c'est pas chier. Ah, c'est 3. Non, mais il te fait pas chier. Oh, ouais. Non mais tu te fais pas chier. Non mais si vous voulez la semaine prochaine vous en trouvez des plus vieilles. Vous non c'est bon. Qui se fait pas chier. Oui là. Parce que là c'était un peu facile quand même. Ouais. Quoi ? Mais Antoine bah, on va voir. On va voir si ton jeu est aussi facile. On passe tout de suite au Dico Dingo. Le Dico Dingo, c'est le Dico Dingo. C'est le Dico Dingo. Le Dico Dingo. Wouf wouf. Le Dico Dingo, le Dico Dingo, wouf wouf, le Dico Dingo. Oui, bonsoir. Bonsoir Philibert. Comment bonsoir. Ça va tout le monde? Ça, ça va, va, et toi? Vous avez fait péter la casquette, Philippe. Oui, oui. Alors, c'est pas très radiophonique, mais c'est tout, très drôle. Ouais. Bon, on peut se tutoyer maintenant. Oui, oui, on peut se tutoyer. Tutoie-le. Lui aussi, grogne, tu sais. Il y a marqué le petit Spirou sur sa casquette. Attendez, je vous passe un petit Spirou. Alors, attendez. Oui, attendez. Pousse-toi, Philippe. Merci. Alors. Mais du coup, c'est qui, c'est Antoine là? Eh, c'est Antoine. Oui, c'est Antoine. Mais tu me reconnais pas, abruti. Merde. Oh, ce rire. Donc le Nico Dingo. Alors je vous dis un mot, vous devez trouver la définition. Alors le mot ce soir c'est courtilière. Courtilière. Courtilière. J'ai eu peur. Est-ce que ça se passe dans une cuisine? Non. Est-ce qu'on peut tirer à la courtilière? Est-ce que c'est dans une cour? C'est dans une cour. Ah, c'est le mot qui. C'est un objet? Eh, hey, Théo, non. Je te tire par. Est-ce que c'est un petit espace de jardin? Non plus. Est-ce que c'est un petit potager? Ça se passe dans un jardin, mais c'est pas. C'est une balançoire. Non plus. Un trampoline. Non plus. C'est un truc pour faire des trous dans le sol. Un toboggan. Non. Un toboggan. Non plus. Est-ce que c'est un instrument de. Est-ce que les enfants peuvent jouer ensemble? C'est pas un instrument. Est-ce que les enfants peuvent jouer avec? Non. Aïe. Est-ce que c'est un truc pour servir par exemple une boisson, enfin un genre de plateau? On a dit que c'était dans un jardin. Eh ben quoi, t'as des services de jardin? Ah oui, c'est vrai. Oui, il n'y a pas que des objets dans les jardins aussi. Ah bon? Des fleurs. Ah, des plantes? Je sais pas. Non. Des poules? Non plus. Une table? Non. Des chaises? Non. Des arbres? C'est pas, c'est pas comme une maison? Non. Enfin une petite, une cabane? Non. Non. Des jeux? C'est pas une véranda, non? C'est courtilière. Courtilière. Oh putain, si c'est pas le bon mot, déjà on n'est pas dans la merde. Est-ce que t'as un indice? Ouais, parce que là... Est-ce qu'on peut s'asseoir dans une courtilière? C'est un animal. Ah, ah une poule. C'est comme une taupe. Non, non, non. Ça se passe dans un chien? Mais t'as dit que c'était un élément de jardin. Un chat? Mais non, j'ai pas dit que c'était un élément de jardin, j'ai dit que c'était pas un élément de jardin. Ah, ah, ah mais pardon. Moi j'ai compris mais ça. Mais c'est dans le jardin. C'est dans le jardin, c'est ouais. Un animal. Une tortue? Non. Un lapin? C'est un genre d'oiseau? Une courtilière, toi? Non. Mais une tortue dans un jardin, ouais, ça existe. Ça me fait, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à un nid. Je suis loin, je me chauffe. Ah oui, t'es très loin là. Ah. Merde. T'es froid. Un écureuil. Non. Un écureuil. On tous les noms d'animaux. Un pan. Non plus, non plus. Est-ce que c'est, on peut considérer comme un animal de la ferme, par exemple? Non, pas du tout. Non. Un animal de compagnie. Est-ce que c'est pas un ver, quelque chose qui bouffe? C'est sauvage. Ouais. Non, mais c'est un animal nuisible pour le jardin. Ah. Ah des punaises. Non. Des bébêtes qui bouffent les potagers. Non plus. Des moucheriques. Ça fait partie de la famille des mouches. Des papillons. Non, c'est partie des animaux volants. Ah, c'est pas une un coccinelle. Non. Une punaise. Ouais. Non plus. Non. Un criquet, un grillon. Non. Volant. Comme un temps. C'est. Bon, je vous donne la réponse hein, parce que sinon. Est-ce que c'est gros ou petit? C'est un tout petit. Petit ah, c'est tout petit. Un ver. Ah, c'est une coccinelle. On connaît ou. Un astéro. Ça fait partie de la famille des coccinelles, tout ça. L'abeille. Un frelon. Ah, c'est les gendarmes. Non. Un frelon. Un animal qui vole, ça s'appelle comment? Bah, un volatile. Un volage. Oui, un volatile, un bien, Mel. Oh, bah, bravo. Mais elle m'a dit un volage. C'est un insecte, je sais pas. Oui, un insecte, voilà. C'est un volage. Bah, ouais, mais c'est quoi, tu cherchais juste le insecte. Bah, oui. Ah, bah, voilà, d'accord. Ah, mais fallait non, juste dire un insecte. Ah, oui. Ah, je vous fais pas que des trucs compliqués. Et, hein. Mais ça ressemble à quoi ton machin courtilage là? C'est un insecte, ça fait un peu vague. Hein. Attends. Bah, il a dit ça ressemble comme une coccinelle. Bah, ouais, il l'a dit ça. Non, ça ressemble plutôt à un grillon. Un truc à la oh, bah, ça a rien à voir une coccinelle à un grillon quand même. Ah, c'est parti des insectes, mais je sais plus à quoi ça ressemble. Bah, d'accord, on a même pas d'image. On a pas l'info quoi. Là, j'ai même plus mon téléphone. Ça, c'est du travail mal fait. Ouais. Moi, je vous montrerai ça après. Je ne suis. Ultérieurement. Je suis déçu, Antoine. Ouais. Et Philibert. Philibert. Je suis déçu de vous. Oui. Non, mais parce que. Non, mais quand même, Philibert, on le paye. Je trouve que. Cher. Ouais, on paye cher pour le nombre de mots qu'il dit Antoine Jackson. Ouais, c'est ça, surtout il dit juste bonjour les amis quoi. Il met sa casquette, ouais. Il enlève, il se barre. C'est ouais, ça. C'est ouais. Ça. Ouais. C'est ça. Il met plus de temps à se réparer le gadget qu'à. C'est ça. Il donne la feuille s'il y a besoin. Vous voulez un métier où on paye bien et on fait pas grand chose, devenez Philibert. Venez faire Philibert. Franchement, je veux dire juste pour dire bonjour, ça va. Sauf ça va, que là, t'es pas payé. Bon, on va se ridiculiser les amis. Pourquoi? Bah juste après la musique, ça va être l'heure de la chanson. Ah c'est aïe, sûr aïe. Qu'elle t'aime la chanson. Bah Halloween. Évidemment, parce que ça arrive samedi. Et Anaïs on écoute. Pourquoi c'est toujours moi? On va écouter Willow, une cover de Sarah mais de Taylor Swift. Oula. Actu solide, 21h, 23h le mercredi, uniquement sur Indestar. Actu solide sur Indestar jusqu'à 23h. Et oui, Antoine a enfin travaillé pendant la musique et va nous décrire enfin à quoi ça correspond. Hein, Une courtilière. Voilà. Alors, c'est un animal qui ressemble à une fourmi balle de fusil, mais avec des ailes en plus. Donc, en fait, c'est une fourmi avec une grosse tête. Est-ce que ça tire à bout portant? Non mais c'est, oui, c'est très moche, hein. C'est une grosse grosse tête et vu de près c'est très moche. Ah, un peu comme tous les insectes, hein, tu regardes tous les insectes de près, c'est bah, une araignée déjà, surtout. Non mais pire, c'est Amélie, avant une coccinelle, elle se barre en courant. Oh, ah, non, c'est une coccinelle, mignon. C'est mignon. Ouais, je suis envahie de coccinelle en plus. Ouais, c'est le moment là en plus. Ah, ah ouais, c'est impressionnant. Il y en avait trois dans ma voiture tout à l'heure. Moi aussi. Oui, bah récupère les. Je crois qu'il m'en reste une. Bah, tu préfères des punaises ? Parce que franchement, moi je préfère les coccinelles. Ouais, moi aussi. Oh, les punaises, je te les éclate. Les coccinelles à morder, quelle violence. Ça mord une coccinelle ? Non. Mais tu sais que je les éclate, les punaises, et les gens ils disent oh, ça pue pas, ça pue la tondeuse. Oui, ça pue, oui, ça pue, la verdure, quoi. Ça pue la tondeuse. Mais c'est peut-être parce que quand tu passes la tondeuse, ça t'écrase des punaises. T'écrase des punaises. Ouais. C'est peut-être ça l'idée. Mais non, mais c'est vrai, t'as déjà éclaté une punaise. Oui, c'est dégueulasse. Non, je l'ai pas fait. Si, ça chlingue. Bah ouais, certainement. Ouais, mais, ouais, mais même si tu la déplaces ou quoi, elle a peur. Ah oui. Oh, oui. J'ai ma grand-mère, elle chopait dans un mouchoir et elle a lancé ça au feu. Ah, ah bah c'est. Mais faut avoir un feu à proximité. Allez, moi je les éclate comme ça direct, elles ont pas le temps de dire. Non, ils n'ont pas le temps. Bon. Ça va avoir le mouchoir aussi. Avec ou je sais pas quoi, non. Ouais, non, avec le pied. Oh, bah, avec mes chaussures. Hein, ah, puis là, t'entends le... Ah. Passons tout de suite. On va se ridiculiser un peu. Ça fait du bien, ça. Ça va donner de la bonne humeur. Un titre en plus dans notre CD. On va avoir le disque d'or bientôt. On va sortir un... Mais pas toi, tu chantes pas. On va sortir une double compile. Non, mais les producteurs. Je l'ai mis tout chez royalties. Même pas. Rien, il n'a même pas écrit une seule. Je prends 10% et je fais rien. Oui, non mais il dirige. Il est à ta-ta-ta-ta. Mais non, il n'y a rien. Même pas, il arrive en retard en plus. Bon, alors c'est Halloween cette semaine. C'est-à-dire samedi, je crois, exactement. Attends, non, c'est dimanche. Juste pour c'est voir. Dimanche. C'est dimanche. Oui. On a repris quelle musique? Thriller, les enfants. Oui, c'est voilà, voilà, c'est l'invité qui sait. Voilà. Voilà, l'invité c'est pas normal. C'est bien de Michael Jackson, évidemment. Soi-disant dirigeant, hein, il connaît rien. Producteur, mon oui, cul, producteur, ouais. Producteur exécutif. Ouais. Mais on va l'exécuter. Elle est où la guillotine? En même temps, c'est Halloween, c'est de circonstances. Hein. Ouais, très bien, ouais. Voilà. Oui, et justement, l'idée, c'est qu'on s'est dit, ouais, Halloween, ça fait peur. Imaginons qu'on marche la nuit, une soirée d'Halloween. Ce qui nous rappelle le fameux clip de Thriller de Michael Jackson. Donc, on va faire des paroles d'Halloween sur la chanson de Thriller de Michael Jackson. Évidemment, vous en doutez bien que ça va donner un super titre parce qu'on sait très bien chanter. Tout le temps. Voilà. En plus, on est à fond dans les. Genre, quand quelqu'un commence une phrase, bam, on est tous dans le même tempo. Moi, exactement, c'est notoriété publique ça. Je vise disque de diamant pour nous. Waouh. Non, je dirais disque d'or. C'est combien d'argent pour le disque de diamant? C'est plus gros. À beaucoup. Peu près. C'est plus gros. C'est beaucoup de ventes, ouais. D'accord. Ouais, c'est en nombre de ventes, ouais. T'es pas en nombre d'argent. Non, on a juste réussi à en offrir un il y a 2-3 semaines, je crois, sur Question pour un concon. On a offert un disque CD. Ah non, oui. La clé USB, tu oui, sais, comme musique. Ah oui, la clé USB, je suis plus moderne. On a juste réussi à offrir ça. C'était pas Steven en plus? Si, je crois. En gros, vous avez réussi à le placer, c'était waouh. Ouais, quand tu sais pas comment refourguer tes cadeaux. Sans issue qui mène à mon hôtel. La ville est cruelle. Hier encore meurtre à la tour Eiffel. Que se passe-t-il? Pourquoi ce vent, ces feuilles traversent la rue? Cette light qui scintille, même la lumière du réverbère semble perdue. Mais qui l'eût cru? Mademoiselle, vous cherchez votre chemin? C'est la nuit noire, je flippe. Ma batterie téléphone a rendu l'âme. Je suis en batterie. J'ai l'impression de voir planer des âmes. Plus j'examine, plus je vois des ombres, j'entends des cris au bout de ma rue. Ma dopamine à zéro et mon stress comme je l'ai jamais vu. Je flippe, qu'est-ce qui va pas? Je vais mourir. Oh non! Mais c'est Halloween, la seule nuit où les fantômes zombies ont le droit de sortir. Mais c'est Halloween, J'ai officiellement honte. Je dois admettre que j'ai bien aimé un passage. Ah ouais? Le hi-hi à la fin. C'est ce qu'il y a de mieux en vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai que le refrain, c'est moi qui l'ai fait. Je crois en plus. Que c'est la pire chanson qu'on a fait de façon à ce qu'on ne comprend rien de ce qu'on dit. On comprend rien. Deuxième écoute pour moi, toujours rien compris. Hein. C'est en fait, c'est le. Attends, c'est quoi? C'est la nuit où les fantômes zombies sont de sortie. Ont le droit de sortie. Le problème, c'est que vous chantez pas du tout ensemble. La seule nuit si où veux... les fantômes zombies ont droit de sortir, c'est ça. Théo aussi veut qu'on l'enregistre en un quart d'heure chrono, la musique. Bah, non, mais ouais, mais il prend sur le fil, quoi. Sachant qu'on connaît même pas les paroles avant qu'il nous le dise. On avait répété, oh, on oui, avait répété 40 secondes. Fois avant de faire le truc. Je te jure qu'on aurait dit la chorale, t'avais Théo qui était là en train de chanter. J'aimerais bien voir ça, tiens. N'empêche, je veux pas dire, mais il y a que moi qui est dans le rythme. Je peux pas, franchement, je peux pas dire, j'ai pas réussi là. Là, on peut pas dire ça. Tu entends la pause que je fais et vous non, t'allais faire une pause. Non mais ouais, je trouve que c'est la pire qu'on ait faite. Non mais en vrai, ça serait pas, ça serait pas drôle. Bon heure, hein. Ça serait pas drôle. Est-ce que vous vous souvenez Quoi On est sur un bug de qualité aussi là. Heureusement que le II sauve la fin à la fin. Oui. Ouais, c'est vrai. Sauve la fin à la fin. Bah ouais. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson qu'on a fait il y a 2 ans, je crois? Oula, c'est loin. C'était laquelle? Je sais plus. Mais on avait galéré à la pointe avec Amélie. Ah, mais c'était un des grands hits. Oui, c'était l'herbe grise, je crois. Ah ouais, oh man, le con. Ah oui, on avait mis 2 heures. On a mis 2 heures. Original. Oui, alors qu'il y avait 2 phrases. Hein, ouais, voilà. Parce que ça valait le coup au moins. Bah ouais, vous pouvez retrouver cette chanson sur la chaîne YouTube. Oui, c'est pas quand j'étais chez toi. Et ça, le page Facebook. Si, c'était à la maison. Oui, je me rappelle. Et vous allez sinon sur la page du site ActuSolite et vous allez retrouver l'herbe grise, qui était un titre assez sombre, mais le refrain. Est assez drôle à écouter, quoi. Ah, c'était des balles. Et pourquoi, comme YOLO Musique, on balancerait pas quelques musiques à nous? Ouais, si, on pourrait intégrer des musiques à nous dans les YOLO Musique. On pourrait balancer des musiques à nous. Bien sûr, mais je pensais que. Mais il est con, perroquet, t'en as pas marre là. C'est bien d'être dans la répétition, Johan, ça. Toujours, la communication. Non, mais merde. Je te jure qu'il vient de balancer exactement ce que j'ai dit. Bah quoi. Oui. Et le gars en mode, ah, mais c'est mon idée. Ah, mais si on faisait ça, les gars. Il se réapproprie toujours les idées, c'est fou. Vu que vendredi, il y a une spéciale Halloween. Oui. Pourquoi tu la balancerais pas, celle-là? Mais on va la remettre vendredi, évidemment, pour la spéciale Halloween. Magnifique. Vous l'avez pas encore assez entendu, celle-là. Mais le pire, c'est que le refrain, j'ai toujours dans la tête depuis quelques jours. Non, le refrain, il est bien. Mais c'est Halloween. Voilà, il y a que ça qui est bien dans la chanson. Halloween. Voilà, ça c'est top. Le seul jour où les fantômes zombies ont. Mais ouais, mais là je l'ai plus. Le seul jour où les fantômes zombies ont droit de sortir. Ah oui, bah pardon. Et c'est Halloween. Hein? Halloween. Non, mais c'est bien, vous avez un jour travailler. On y arrivera. Oui. Je suis pas sûre. Bon, mais avant, on a un problème. Est-ce que ça vous dit de retourner à la fête foraine? Ah ouais. D'accord. Oui, cachez vos joies. Hein. Samedi, mais pas dimanche. Oh là là, oh, non, la blague. Arrête. Brabapin. On va tous les passer. Mais avant ça, on écoute Nina Attal. Anaïs, c'est quoi le titre? Bah, je sais plus, regarde sur la feuille. I've been a fool. Oh là là, I've been a fool. Arrête, elle c'était pas mal. Elle a bien prononcé, franchement. Sur non, c'était stars. Très mauvais. Quoi? Oui, c'était très mauvais. Actu solide sur Indestar, quoi d'autre? Enfin, what else? Bah, un café, Georges. Actu solide sur Indestar jusqu'à 23h. Est-ce que vous êtes encore là? Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Vous êtes fatigués? On n'est pas fatigués. Est-ce que vous voulez continuer? Ouais, on va continuer. Voilà, c'est pas mal. Pas tous en rythme, mais le guerrier, c'est voilà, le principal. On est tous contents d'être là ce soir. Ouais. On va continuer le recto verso, Anaïs. Exactement. On va peut-être expliquer un peu ce que c'est. Bah vas-y. Alors, on a été dans une fête foraine parce qu'il y a une madame qui couche avec beaucoup, beaucoup de garçons. Ah, et donc, non. Elle sait pas le prénom du papa de son garçon, ouais. De son fils. Il a accouché, comment il s'appelle le petit non, Marius? Non, elle a accouché. Elle a accouché, oui, oui, le c'est petit mieux. Marius. Il s'appelle Marius, mais on connaît c'est pas le prénom technologie. De son papa. Oui, donc c'est votre défi ce soir, évidemment, retrouver le nom du père. Voilà. Okay. Il y donc, en a déjà vous vu, Paco été... Ouais, vous avez ouais. été voir on Paco vu, à l'autotamponneuse. On a eu un indice déjà. Vous aviez eu un indice, c'était quoi l'indice? Il avait pensé. D'accord, ok, très bien. Bah, ça va pas vous avancer beaucoup, ça. Il va falloir aller voir un. Non, mais je pense monsieur. Que Anaïs nous a soufflé une idée tout à l'heure. Ah. Oui, j'ai trop envie de faire un manège. Ah, on peut faire cool. du super speeder. Bah, allons au super ah, speeder. Ah, ça tourne alors. La tête, ça, non? Oula, on s'approche du super speeder. Oh la vache, il y a de la musique. J'ai trop envie de faire DJ là. Super speeder! pincement super speeder, sensation d'hiver, sensation extrême. Approchez, mesdames, messieurs. Vous voulez sensationnel ce soir? Ouais. Non, ouais. J'aime pas trop les sensations fortes. Mais si. Vous voulez des petits billets pour le sensation speeder? Non. Si ça va pas vite. Non, on reste concentré. On est là pour une mission. On est là. Oh, y a des lumières. Vous savez, Micheline, là, avec qui elle a couché? C'est Shelly. Il y a tous les passants qui entendent là. En fait, tout le monde cherche mais personne ne trouve. Alors que point de vue sensation, tout le monde sait où ça se passe. Ça se passe ici, super sensation spinner. Attachez vos ceintures. Je vous emmène faire le plein de sensations, le son du volume au maximum. Ouais. Allez, exceptionnel, pour gagner ce soir votre effet double sensas, vous allez devoir répondre à 5 questions plein vol. C'est parti, installez-vous. On est installé. Vous êtes installé? On est installé. Ouais. Attention, c'est parti. On accélère. Plus fort. Allez, sur la droite. Sur la gauche. Attention, le lobbying giga sans sens. Première question, c'est parti. D'une arme à feu, il peut être une pièce. Nos amis sont nombreux, issus de son espèce. Qui est-il? La fourmi. C'est pour la fourmi. On essaye. Attention, double looping. Éjecte sans sation. D'une arme à feu, il peut être une pièce. Nos amis sont nombreux, issus de son espèce. Qui est-il? C'est pas une souris? Un chien? C'est un chien. Bingo jackpot. Vous en voulez encore? Ouais. Double triplette de virage, maxi délire méga home. C'est parti, deuxième question. Attention, on accélère. Cette donnée qu'on voit changer tout au long de l'année peut cependant être fixée. Quelle est-elle? Une donnée que l'on voit changer tout au long de l'année qui peut cependant être fixée. Une date? C'est une date! Bravo! Méga délire méga home! Et ça descend profond, mégaphone. Yes. Allez, attention, question subsidiaire, évidemment, accélère. Normand, il est apprécié dans les repas de mariage. C'est souvent un endroit perdu. De mémoire, il est toujours très fâcheux. Qui est-il? Un trou? Mais c'est le trou. Maxi sensation, maxi frisson, super spider. C'est encore l'heure. Vous en voulez encore? Ouais. Double looping, méga looping, allez. Ça part à gauche, ouais. Ça part à droite. Oui. Méga fun. Bravo les kids, vous avez kiffé? Pas trop, non. J'ai pas envie de gerber. Allez, je vous remets la dose quand vous voulez, mais plutôt demain, parce que moi, faut que j'aille somnoler, parce que demain matin, je dois aller promener les chiens très tôt. Allez, salut. Méga sensation. Ah là, il était chaud. Wow, ça tourne, hein. Oui, mais par contre, faudrait expliquer un peu à monsieur, je sais même plus comment il s'appelle. Ah, c'était Miguel. Ah, Miguel. Oui. S'il peut articuler un peu mieux parce que... Et vous avez trouvé, hein. Ouais, on était bons. Ouais. Bah, ils étaient bons parce que moi, j'ai servi à rien, clairement. Hein. Bah, comme Jolan. J'ai dit moi aussi. Oh, merde. Hein. Bon, alors, c'était quoi l'indice? Tôt. D'accord, donc vous mettez tôt en ça plus fait du premier indice. Est-ce que ça serait Antonia? Ah. Anthony. Ah. Moi, je pense que c'est un entonnoir. C'est un très joli ça prénom. Fait pas très prénom ça écoute, ça peut. Hein, mais c'est vrai que ça pourrait être un indice pour quelque chose d'autre. Il va falloir vérifier ça avec une troisième attraction. Si vous qui vous nous écoutez, vous qui vous nous écoutez. Non, ça veut rien dire. Si vous écoutez cette émission, vous quoi. Vous qui nous écoutez, voilà. Ils peuvent nous appeler au 09 70 407 306, appelle gratos. Et bien sûr, c'est pas un film porno, hein. c'est juste pour venir. Non, sur, ça c'est le 36-15 Showtime. Il y aura pas la voix de Pamela au bout du film. Si vous voulez nous aider, parce qu'on patauge un peu là, si vous voulez nous aider. Ah, je trouve pas. Mais appelez-nous quand même. Elle m'a fait peur, elle m'a regardé patte sur la hanche. Oh, je trouve pas. Tu me fais peur. Oh là là là là. Non, ça va. Tout de suite. Oui. Tout de suite. Non, ou après. Enfin bref. Maintenant. Bientôt. Voilà, le prochain jeu va être raconte-moi une histoire. Putain, mais je vais pas y arriver. Raconte-moi une histoire. Faut que j'aille manger un Pimps, ça va me donner de la force. Raconte-moi une histoire. C'est quoi raconte-moi une histoire, Amel? Chacun va nous raconter une histoire et on devra dire si c'est vrai ou faux. Ah oui, ça peut être une histoire complètement inventée. Bah oui, mais je t'ai dit bien faux. Sûr. D'accord. Si c'est faux, c'est inventé. Si c'est vrai, bah c'est vrai. D'accord. Mais avant ça, on écoute. trajet de Doria. Indestar présente Actu Solide. Eux, c'est le bruit. Lorsque vient la fin de l'été, notre seule préoccupation dans nos cévennes adorées, c'est la cueillette des champignons. Il en parlait tout à l'heure, Antoine, je crois. Oui, et depuis deux semaines, il fait que ça, lui, il vole des champignons. Il vole des champignons. Et en vrai, il y a des règles à respecter. Oui, hein. C'est ce que j'allais dire, tu respectes les règles. Parce que c'est peut-être sur des terrains privés. Hein. Ah non, c'est une forêt. Ouais, mais même, il y a des, faut une carte c'est une forêt de... publique. C'est une forêt ouais, publique. Mais même, il faut une carte pour ramasser, hein, normalement. C'est un poids à respecter tout. Ouais. Après, on va pas choper non plus 3 tonnes. Hein. Peut-être en plus, tu les manges même pas. Alors c'est écoutons con, le refrain. Un champignon, mais c'est si bon. Voilà, il est bien le refrain. Hein. Ah, ça dépend quel champignon. La bonne nouvelle musique, ça. Ouais, ça dépend du champignon. Oh. Mais tu vois, au moins ceux qui nous écoutent, ils savent qu'on est directement sur Indestar, quoi. Actu Solide, il y a que là où on peut entendre ça, quoi. Ah oui. Bah, c'est vrai que ce monsieur-là, je l'ai jamais entendu sur les autres radios. C'est pas comment. Mais c'est peut-être un hasard. Hein. Non, non, c'est très bien. Ah, j'ai pas le bah, titre. Bah, moi, ce monsieur-là, je l'ai jamais entendu du tout. Ouais, en vrai, c'est vrai. C'est dommage, il mérite d'être connu. Comment il s'appelle? Je sais pas. Ah. Mais je sais pas, il a la voix d'un mec. Ah, je sais pas, j'ai pas le nom du monsieur. Je peux te dire que la chanson s'appelle 7399999. Ah oui. Ah, ça doit pas être ça là. Mais non. Vous pouvez la retrouver sur l'internet. Vous tapez champignon, c'est si bon, vous avez bien voilà. Trouvé. Hein, les chanchanchans, les pipipignons et les gnognons. Ah là, vous allez trouver, c'est sûr et certain. Raconte-moi une histoire, c'est tout de suite sur Indestar. Antoine, tu veux commencer? Pourquoi moi? Déjà, attends, on va peut-être raconter déjà notre règle, peut-être. Notre règle. En gros, la règle du jeu. Ah. Suivez-moi un peu là. Non, c'est que je parle pas français. Parce que moi, je connais peu, pas. Expliquez-moi voilà. Comment. The rule of the game. Raconte-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la règle du jeu. Ok. C'est en anglais, mais bon. I am bilingue. Alors pas du tout. Raconte-moi une histoire. On va chacun raconter une histoire. Ok. Et sur l'ardoise, on devra marquer vrai ou faux. Ah oh. En fonction de ce que tu penses, si c'est donc vrai. Donc je m'équipe de l'ardoise. Voilà. Et celui qui perd, il a rien. Et celui qui gagne, il a rien. Ah super, donc ça sert à rien de jouer en fait. Ouais, ouais, en gros, voilà. Ouais. C'est le concept même d'Actu Solide dans son intégralité. Actu Solide ne sert à rien. Quoi? C'est juste pour divertir. C'est un raccourci vite fait, mais c'est un bon raccourci, j'aime bien. Mais ça sert à rien, juste rigoler, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Ça bah occupe, oui. Ça occupe. Antoine, tu commences? Nous oui. Sommes votre divertissement hebdomadaire. Alors ouais. Moi, on va en Belgique, à Charleroi. Une fois. Ah, oh, Charleroi, qu'est-ce que c'est dégueu comme ville. Je suis désolé, ah ouais. Si je suis jamais allé. Des Belges de Charleroi deux qui fois, nous écoutent. Deux fois, du coup. Deux fois. Non, mais c'est une des villes, tu sais, comme un peu comme Saint-Étienne ou comme d'autres villes qui ont été très industrialisées. Ah ouais, il y a que des maisons. Et il y a plein de maisons et d'usines en ruine. Par contre, si vous aimez faire, comment on appelle ça, tu sais, quand tu vas visiter des Durbex, ouais. Ah ouais, il y a tout cassé. C'est très bien, Charleroi, pour ça. Il y a des spots sympas à faire. Ouais, ouais, très très bien. Nous, je sais qu'on était partis en vacances avec mon père, enfin avec mes parents et mes soeurs. On était partis voir Mac and Peace. Ah oui! Bon, t'es très déçu. Il est tout petit, il fait 15 cm le truc! Il fait à peine 15 cm. Et il t'a pissé dessus ou pas? Non. D'accord. Mais moi je lui ai pissé dessus! Non! D'accord. Je déconne. La prochaine fois, va voir les Black Eyed Peas. C'est mieux! C'est mieux! Non mais j'aime pas les Black Eyed Peas. Donc c'est à Charleroi. Ouais. Un homme qui harcelait son ex-femme s'est fait arrêter. Et en garde vue, il s'est masturbé avec une main en chantant Ave Maria. Donc t'imagines, tac, il est en train de faire Ave Attends. Maria sans se masturbant. Je sais pas s'il faut vraiment imaginer la scène, mais oui. Non, mais là, attends, coup, le mec, il est en garde à vue. Oui. Il est censé être menotté. Bah non. Non, pas forcément. Non, quand t'es en cellule, t'es pas menotté. Alors, Jolan, c'est le mec l'année dernière, il y a deux ans, qui nous faisait toujours des trucs de flic et il sait même pas qu'on garde à vue. T'as pas dit il a battu sa femme ou harcelé? Non, il l'a harcelé. Ah, il l'a harcelé, pardon. Et même quand tu bats ta femme, de toute façon. Sachant qu'en plus, dans les cellules de garde à vue en Belgique, t'es filmé. Ah. Donc, avec la main gauche, il se masturbait en chantant un Ave Maria. Et avec la droite, il faisait un fuck ah oui, à la caméra. Ah oui, ça très bien qu'il était voilà. Filmé. Donc, à votre avis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Putain, c'est pas toi qui aurais écrit ça quand même, ça me paraît. Les Belges, ils sont un peu culottés quand même. Attends, t'aurais créé ça? Moi, je dis faux quand même. Hein. Et attends, il est devenu une info maintenant. Hein. Oh, tu dis vrai? Ah ouais, non mais c'est pas tout peut se passer en Belgique. Ouais. Alors moi, on a moi du j'ai vrai. Suivi Jo et je sais pas si c'est une bonne idée. On a du vrai. Linda, tu dis quoi? Moi je reste sur faux, ça me semble. Et Anaïs? Moi j'ai suivi Linda. Ah bon. Comme moi j'aurais là, dit si vrai. C'est une moi. Chose, non et bah c'est vrai. J'aurais dit vrai. Oh, voilà. Donc c'est réaliste. Alors oh là là. Qui a bon? C'est moi. Jolan. Oh, wow. Et Amélie. Et Amélie. Et en plus, j'avais pas précisé, mais le mec était ivre. En vrai, j'aurais dû réfléchir. Ivre. C'était tellement bien raconté que ça pouvait pas être faux. En fait. Mais justement, ça peut être. Ça pouvait un piège, pas être Antoine. Non. Non, mais ça peut être un piège. Ouais. Ouais, Antoine qui écrit une histoire pareille. Oula, il nous a déjà bluffé. Ah oui. Avec, avec le scénario du parrain, je les ai restés. D'accord. Méfiez-vous, les apparences sont trompeuses. Est-ce que je peux vous dire mon histoire? Vas-y. Donc, on peut faire nous pas t'écoutons. Je voulais la faire moi, mais. Non, c'est moi d'abord. D'accord. S'il te plaît, c'est moi qui décide. Tu respectes. Le saviez-vous? Je vais vous inculter ce soir. Donc quoi? Vous inculter, vous cultiver. Vous inculter, alors c'est un nouveau verbe. C'est l'inverse de cultiver. D'accord, on enlève notre cultivation. Cultivité. Alors, au Moyen-Âge, Halloween servait à reconnaître si nos enfants étaient démoniaques ou pas. C'est-à-dire, le 31 octobre, les enfants se déguisaient de façon terrifiante. Mais c'est pas nos petits déguisements de vampires de maintenant, hein. C'est vraiment terrifiante, que eux-mêmes n'arrivaient pas à se regarder. Ensuite, ils frappaient à une porte. Généralement, les enfants étaient regroupés par groupe de 6. Et ils devaient dire soit une plaisanterie ou chanter une musique. Et si tu n'étais pas convaincant, le fait que ton âme est gentille et que tu envoies des good vibes. Ouais. Il parlait comme ça déjà au Moyen-Âge. Et ben, les gens venaient te réveiller chez toi, te kidnapper et te brûler au bûcher. Quoi? Bah oui, c'est bien le Moyen-Âge. Donc, beaucoup d'enfants mouraient ce soir-là. Magnifique. Est-ce vrai ou faux? Donc, ils attendaient tous Halloween. Jeanne d'Arc, elle a fait Halloween alors. Hâte. Ah, le bâtard. Oui. Ça comme ça, c'était pas vraiment la même période, mais bon, oui. Bah, le Moyen-Âge. Oui. Bah, Jeanne d'Arc. Bah, Jeanne d'Arc. Bah, Moyen-Âge. Bah, non. Bah, si. Bah, non. Bah, si. Bah, non. Bah, si. Et comme ça jusqu'au bout de la nuit. Alors, du coup, attends, vrai. Faux, vrai. Alors, j'ai deux vrais, deux faux. Vrai pour Linda et Jolan, et c'était faux. Oh putain, quoi ouais. Ah merde, j'en étais sûr. Elle a dit le mot qui convaincant. Qui a dit faux, qui a eu la bonne c'est réponse. C'est moi qui a dit faux. Elle a dit le mot convaincant, et ça, elle le trouverait pas toute seule. Ah oui, c'est pas moi. Oh, le seul homme. Mais si, je l'ai trouvé toute seule, vu que c'est faux. Ah oui, pardon. Donc, il y a qu'Antoine. Allez, bim. Qu'Antoine qui a la bonne réponse, alors. Oui. Non, moi aussi. Ah, bon. Non, t'as marqué vrai. Bah, je commence à effacer mon nom. Non, elle a mis faux. Elle a mis faux. J'ai cru dire vrai. Non, elle a mis faux. Dit que son faux ressemblait à un V. Mais... Bah, oui. J'avais commencé à mettre vrai, après j'ai mis faux. Parce que c'est pas écrire, c'est tout. Donc, elle a la bonne réponse, pardon, Anaïs, ou pas? Oui, oui. Ok. On a pas mon temps, Henri de la Régie, t'as du mal. Non, mais ça fait un point pour tout le monde. Sauf moi. Je vais larguer. D'habitude, c'est Jolan qui a pas de points. Non, mais je viens de remplacer, t'inquiète. Bon, bah, Jolan, vu que tu voulais continuer, Anaïs, c'est à toi. Oh. Ok, bah, okay, attendez, fallait me le dire, j'aurais préparé. Bon, bah, Jo, vas-y. Non, c'est bon, je suis prête. Non, mais bien, cette histoire s'est passée aux États-Unis, plus précisément Massachusetts. Un homme pilleur de tombe a déterré un cadavre pour pouvoir voler des bijoux ou autre. Bien sûr, Massachusetts, une ville connue pour les pilleurs de tombe. Alors, le Massachusetts, c'est pas une ville, hein. C'est un état. C'est un état. Ça, ouais, mais c'est la même. Non. C'est faux. C'est faux. C'est un état, pardon. Non, c'est pas du tout pareil. Alors, en déterrant, il a vu que dans la tombe, il y avait une pancarte où il y avait écrit « Gare au représage si mes objets disparaissent ». L'homme n'en tient pas compte et lui pique ses objets de valeur. Soit. Mais au moment de rentrer chez lui... Comment est-ce la tête, tu vois, au moment de rentrer chez lui, eh ben, il commence à y avoir des phénomènes paranormaux. Des phénomènes... Des objets qui bougent. Des... Par exemple. Et des objets qui vibrent. Des... Pardon. Putain. Des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, des bruits de pas. Mm-hmm. Et bah il a peur. C'est faux. Et bah c'est la chute. T'es en train de te chier dessus. T'as ouvert ta tombe. Alors c'est je crois que tout le monde a mis faux. Bizarrement. En vrai, je l'ai fait ce midi et ça avait l'air trop bien. Ça avait juste l'air alors. Oui, mais c'est juste quand tu l'as raconté, c'était de la merde en fait. Pourquoi? Il fallait tous la jouer. T'as pas le ton. Je pense que t'aurais dû être plus naturel. Si, là, justement, elle a le ton, mais le sien. Et là, t'aurais dû te renseigner sur l'état déjà. Oui. J'ai tapé ville des États-Unis sur internet, ça m'a mis le Massachusetts. Et tu t'es pas dit, tiens, le Massachusetts, c'est un état plutôt? Ben non, parce que si j'ai des villes, c'est que non. Non, mais moi j'aurais pu faire la même gaffe. En plus, j'ai failli faire une blague salade sur le Massachusetts, mais je l'ai pas fait. Alors que t'aurais mis sur Google Maps, t'aurais vu que c'était un état. Bah oui. Mais j'ai regardé sur internet, j'ai mis ville des États-Unis, m'a mis Massachusetts. Ah, mais t'as regardé ça quoi. Sur Wikipédia. Mais en plus, t'as juste foiré ta fin, tu savais même plus ce que c'était. T'as juste foiré. Non, bah je suis déçu. Tu savais ce que c'était. Je suis déçu. Ah, mais quand on est nul, on est nul. Ça, c'est fait. On va essayer de relever le niveau, mais c'est pas sûr avec Jolan. Je t'emmerde. Bah allez, vas-y. Jolan qui a quand même 2 points. Oui. Déjà, bravo. Alors. Comme tout le monde. Il a battu son record des 3 ans. J'en ai qu'un avec Linda, je crois. J'en ai zéro. Ah non, t'en as deux. Ah non, j'en ai un. J'en ai deux. Je vais raconter mon histoire du coup. C'est le but. Vous n'êtes pas sans savoir que les animaux sont des aventuriers. Donc je m'explique, des animaux qui vont dans. Qui se perdent et qui arrivent à retrouver leur maison. Il y a beaucoup d'histoires qu'on. Ouais, ça pour je sais pas si ça vous parle. Genre, c'est vrai. Ouais, tout ce qui est les chiens, chats, etc. Voilà, donc. Alors moi, ils me parlent pas, mais. Alors, ce Lillois, je parle du chat, bien sûr, on a entendu, parce que le chat est Lillois, a vécu un sacré périple. Perdu par ses propriétaires alors qu'il était en vacances. Ses propriétaires étaient en vacances à Annecy, en Haute-Savoie. Et Caramel est réapparu. C'est pas Annecy vous... C'est Annecy, oui, oui, c'est Annecy. C'est Annecy, hein. Genre, il y a un lac là-bas, le oui, lac d'Annecy. Le lac... Ah oui, Annecy, oui. Ah, j'ai dit quoi? J'ai dit Annecy, toi. C'est Annecy. Ah, pardon, je l'ai mal prononcé. Et exact. Caramel est réapparu. Mais vous allez me dire comment? Comment c'est possible? Eh bah, Caramel, pour trouver sa maison, qui est dans le nord, il a traversé le pays en Blablacar. Excellent. Mm-hmm. Vous avez bien m'excusé. Donc le Blablacar, c'est du covoiturage. Le voyage s'est très bien passé et il a même reçu une note positive du chauffeur qu'il a ensuite rapporté à leur propriétaire. Selon vous, est-ce vrai ou pas? Il a été sur le site Blablacar pour payer la réservation? Alors sur le site Blablacar, je sais pas. Non, en fait, c'est compliqué parce que Joe, il peut te balancer du vrai et du faux dans la phrase. D'accord. Alors vrai ou faux? On a c'est quoi Antoine d'Amigo? Faux. Ami, alors, faux. Oh pétard. J'ai hésité faux, franchement parce que. Mais moi j'hésite, mais je tant pis. Ouais, c'est t'as pas c'est quoi Blablacar. Vrai. T'as mis vrai. C'est Blablacar qui me parle. Moi j'aurais mis vrai moi. Anaïs et Linda ont raison. Ah. C'est du vrai. C'est ouais, du vrai, ouais, qui s'est réellement passé. Tu sais que ça me fait penser à une histoire que j'ai écoutée ce matin. J'ai trouvé ça trop mignon. En plus, je voulais dire vrai parce que tu savais pas ce que c'était Annecy. Non, mais t'imagines, en vrai, tu te balades. Qu'est-ce qu'il fout dans ma voiture, le chat? Moi je me suis dit, j'en suis sûre qu'il a vu Annecy sur un site et puis du coup il a brodé. Eh, mais hein, c'est bien parce que vous avez une égalité parfaite. Hein. Ah bon? 2 points tout le monde. Je peux raconter une petite histoire que j'ai entendue ce matin à la radio? Oui. Oh. Sur quelle radio? Indestar. Sur la matinale. Oui, c'est la meilleure. Je sais pas si je peux dire le nom de la matinale. Je sais pas si je peux dire le nom de la radio. Vas-y. J'ai entendu ça à la radio ce matin. Oui. Sur Indestar. Mais si tu veux. La matinale de 9h à 6h à 9h. Ah bah donc on sait du coup. Et en fait, c'était un mec qui a entendu crier derrière chez lui quand on est au secours, au secours. Ouais. Donc bah il a appelé la police, ils ont fait des grandes recherches. Et en fait c'était un chasseur qui avait perdu son chien qu'il avait appelé au secours. Oh ah oui, c'est mais ils ont retrouvé le chien. Sérieux? D'accord. Ils l'ont secouru. Ça me rappelle le film de Louis de Funès où le chien s'appelle Foulcan. Quoi? Oui. Il s'appelle vraiment comme ça? Il s'appelle Foulcan, mais c'est marrant parce qu'il est braconnier Louis de Funès dans ce film là. Et ah, il dit viens ici Foulcan, c'est marrant. Moi j'ai une autre blague, c'est dans drôle, le même délire, c'est nul mais je l'ai lu ce soir aussi. C'est un mec qui s'est planté, qui s'est perdu dans une forêt. Et en fait, comme les secours essayaient de l'appeler, en fait, et qu'il a pas vu que c'était un numéro, comme c'est un numéro masqué, bah il répondait pas en fait. Oh, il le rappelait en fait. Ah oui. Il avait fait un appel pour qu'on vienne le sauver. Ouais. Et les secours l'appelaient, mais comme c'était un numéro inconnu, il répondait pas en fait. Mais c'est con quand même. Non, non mais ça oui, m'arrive plein de fois moi, sur mon téléphone. Non mais genre, d'accord, mais quand tu cherches ton animal dans ces circonstances-là, tu dis ah peut-être que ça peut être un appel intéressant. Ouais. Bah oui. Ou alors tu appelles tes enfants Vic et Tim. Victime. Victime. Pas mal. D'ailleurs, en parlant d'enfants, on va essayer de trouver un peu qui est le papa de, ah, de oui, Marie. Ah, mais on l'avait zappé celui-là. Mais tout de suite, on écoute. Anaïs. On va écouter du Paolo Monti. Ouais, c'est un DJ. Ouais, Monti, c'est pas italien, ah bon non? Je sais pas quel est. Ouais, Paolo Monti, ça fait bien ouais, italien fait comme ça. Mais c'est un DJ et c'est un bootleg, un mashup qu'on écoute. Another Summer Jam in Paradise. Waouh, quel accent. Yeah, il y a dedans du. Comment on appelle ça? I am bilingue. Na. Comment il s'appelle là, le batteur là? Bon, non, on va juste sur Indestar. Passe le fun autour de toi. Actu solide sur Indestar. Actu solide sur Indestar jusqu'à 23h. Grand minimum. Oui, parce qu'on va être un peu à la bourre, hein, je pense. Hein, c'est ça quand on est cultivé, on est à la bourre. Culturé. Oui. Non, c'était pour faire un rapport avec le. Ah, la culture. La culture. D'accord. Ah oui, ok. D'accord. Ouais. D'accord. Okay. Soit. Hashtag soutenons nos paysans. Alors, on va jouer tout de suite au recto verso. Ouais, c'est ouais, quoi le principe? C'est quoi le problème? Anaïs, Rodi. D'accord. Oui, oui. Tu vas nous montrer que tu suis bien l'émission. Parce que d'accord, je vais demander à Jo, mais il va tout mélanger. Donc, on a une madame d'une fête foraine. qui s'appelle Shelly. Ouais. Et non Shelly. Qui a fait crac crac boum boum avec beaucoup de garçons. Il y a 9 mois. Ou même entre-temps. Peut-être qu'elle a pas fait tant crac crac boum boum que ça, mais qu'elle est juste amnésique. Bah, on sait pas le nom du père, et justement, on voudrait savoir. On connaît le nom du gamin qui s'appelle Marius, déjà. Ouais. Et justement, on est là pour. Ça, c'était facile parce que c'est le nom qu'elle lui a donné. Voilà, mais après, pour savoir qui est le père. On donc, a deux indices. Et t'imagines, il y a vraiment un parent qui écoute. Un parent. Qui sait, et où son gamin s'appelle Marius. Et il dit, ça se trouve, c'est moi. C'est pas moi. Peut-être. Donc, Paco nous avait donné un premier indice. C'est l'indice en. En. En. A-N-S. Ah. D'accord. Ou ENS ou ENT ou comme vous voulez. Ouais, tout court. Ouais. Voilà, ouais. Voilà. Le deuxième indice, ça a été tôt. Parce qu'Anaïs a voulu faire la bonne idée de vouloir faire un manège. Ouais, c'est Miguel qui nous a mis dans son. Le Super Spider. Le Super Spider. Oui. Oh, les gars, levez les yeux. Quoi? Vous voyez quoi là? Ah, quoi? Oh! Bah, c'est énorme, c'est il est juste devant toi. Bah, ah, c'est roue. La grande roue. Ah, ah capté, bah oui. Les lumières, ah bah oui, dis donc, ça se voit, c'est une roue et elle est grande. Ouais, ouais, bah. Grande roue. Et j'ai y bien pas, envie. Il y a pas que la roue qui est grande, pardon. J'ai bien envie d'y aller, mais j'ai l'impression que c'est fermé. Parce c'est... qu'elle tourne pas. Ah, c'est elle dommage. Tourne pas. Peut-être en panne. Bon, allez, on y va. Là, c'est bien qu'on marche. Hein. Ça, c'est un poney, ça, tu sais. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. C'est Joseph de la grande roue. Bonsoir Joseph de la grande roue. Désolé, elle est fermée ce soir depuis que les trois nacelles du haut se sont décrochées. Oh. Bah et celle du bas? Mais rassurez-vous, hein, personne n'était dedans. Par contre, en dessous, je ne vous cache pas que ça fait des. Comme on dit, des os sur le plat. Hein. Ah! Bref, j'imagine que vous ne vous intéressez pas à ce que je raconte. Non, nous on veut savoir qui est le père de Marius. Ah, vous venez pour le problème beaucoup plus grave, ouais, c'est ça, le père enfin, de Marius. Beaucoup plus grave, oui et non. Hein, Je comprends. Par contre, si ça vous emmène pas, je vais faire mes comptes en même temps que je vous parle. Vous voulez m'aider pour ça? Allez-y, ça peut aller plus vite. Ok. Par contre, comme vous dites, on a très peu de temps. On va se donner. On n'est pas expert comptable. 1 minute 30, ça me paraît bien. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts, oui. Monsieur. On va essayer. C'est pas gagné. Hein. C'est parti. Excusez-moi, c'est quoi déjà votre prénom? C'est Joseph de la Grande Roue. Ah oui, c'est vrai. Merci. C'est parti. 6 plus 12 plus 6 plus 6 plus 12. Oh là là, vous allez vite, monsieur. 36, 43. Ça fait ni l'un ni l'autre. Et vous pouvez répéter. 6 plus 12 plus 6 plus 6 plus 12. Ah, attends. 42. Oui, alors on continue. J'étais à 43 tout à l'heure, c'est une blague. 6 plus 6 je plus 12 plus 12 plus 12. Je peux dire quelque chose? Non. Ah, 48. Oui, on continue. 12 plus 6 plus 12 plus 6 plus 6 plus 12. Il va trop vite, là, j'arrive. On est perdu. Je suis largué, 52 là. Presque. 53. Presque. 54. Oui. Alors ce qui fait en tout 42 plus 48, 42 plus 48. 90, 90 plus 52, 52, 52, 144. 144, c'est la bonne réponse. Ouais, bah dis donc. À 35 secondes. Ah là là, c'est pas avec ça que je vais finir le mois, mais de toute façon, je vais pas rester ici parce qu'il y a rien ici. Il y a ni eau, ni le reste. Donc je m'en vais demain. Est-ce que vous pouvez, hein, vous pouvez répéter? Il y a ni eau. Non, je disais qu'il y avait rien ici, il y avait ni eau ni le reste. Je peux dire. Surtout que... ni eau. Ouais, bah oui, c'est toi, on avait compris. Antonio. Ça sonne bien. Je peux dire quelque chose? Joël a triché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il utilisait la calculatrice de son téléphone. Toi, t'as pas le droit. Tu t'es fait avoir. Non, mais même avec la calculette, il est mauvais parce qu'il a pas trouvé. Il a c'est un mec qui a trouvé. Il avait pas suivi. Non, mais il avait pas suivi. Avouez que je vous ai étonné quand même. C'est vrai que tu m'as bluffé. Parce que moi, j'ai essayé. Parce que j'ai eu Joseph avant, j'y suis allé hier et il m'a fait faire tous ces comptes là et j'ai foiré. Ah. Non, parce que le premier. Enfin, j'y suis arrivé en 4 minutes. Le premier, le 42, j'ai trouvé. Ouais. Après, j'ai laissé Anaïs trouver les deux autres et moi j'ai marqué les trucs parce que je me suis dit, à mon avis, il va nous demander. La somme. La somme. Et du coup, voilà, génie. Ouais, c'est bravo. Ça. Bravo. Bon, donc il a gagné 144 euros, notre Joseph de la Grande. Puis on a eu un autre indice. Alors, du coup, ouais. Oui, vous aviez eu un autre indice qui Nio. Est quoi? Nio. Ouais. Alors, ça fait quoi les trois indices? Antonio. Ah, alors, est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui se trouve sur la fête foraine, qui fait partie des forains? Ce que vous allez faire, ce que je vous propose, c'est d'aller sur le registre. Il y a un registre avec tous les noms des forains. Et vous allez voir s'il y a Antonio sur le registre. Nous avons Antonio. C'est vrai? Alors, il y a quoi comme proposition? Ah oui, c'est tous les A, c'est ça? Alors, nous avons... Il faut que je dise tout le registre? Bah ouais, qui est-ce que... Axelo, Arturo, Evano, Adriano, Alexio, Alessandro, Aquadito... Alejandro. Alejandro, ouais. Alejandro. Antonio, Amerio, Almenzo, Amancio, Amareco... Ouais, donc effectivement, il y a Antonio. Donc ça voudrait dire c'est Antonio, le père oui. du gamin. Ah bah oui. Bah, ouais. Coup, eh bah logiquement, oui. Et si ben, tu sais quoi? Vous avez gagné. Ouais. C'était bien Antonio, le père du gamin. Parce qu'on l'a retrouvé, on lui a fait faire des tests de d'ADN. Et il s'avère que bah, c'est bien Antonio, il l'a reconnu. Et il a décidé de s'en aller. Ah, est... je veux pas le dire, mais je l'ai, le Antonio, depuis tout à l'heure. C'est vrai, tu l'avais, mais coup, il fallait en être sûr. On est trop fort quand même. Il s'est exilé en Espagne. Il a décidé de pas assumer le gamin. On est trop fort. Mais bon, c'est bien, vous avez cherché, vous l'avez trouvé, c'est déjà bien. Oui, mais on était fortes, moi, Anaïs. C'est vrai que vous Et il avez... y a Linda aussi qui nous a bien aidé pour bien les. Sûr. Merci, c'est gentil. Linda. Bien sûr. On va dire point, Linda. Bon, vous avez cartonné. Est-ce que vous cartonnerez autant la semaine prochaine dans le nouveau Recto Verso? Eh bah, à vous de le découvrir la semaine prochaine. Ouais. Et puis ouais. À nous aussi d'ailleurs. Bah oui, parce que ouais. C'est vous qui allez jouer. Oui aussi. Avec votre aide. Hein, Amel, imagine que ils ont raté tout ça là. Bah il y a les podcasts. Bah ouais, c'est quoi les podcasts? Bah tu peux nous réécouter. Oui. Alors oui. T'as de la chance, tu rates le top horaire. Alors, je explique le concept d'un podcast. Bah tu vas sur indestar.fr. Ouais. Tu appuies sur Actu Solite. Tu appuies sur podcast, tu appuies sur l'émission qu'on veut, ouais, par voilà, exemple, ce soir. Et tu écoutes. D'accord. C'est facile en fait. Ouais. Dans le train, et train imagine, caca, attends, imagine, j'ai une solution. Moi. Oui, vas-y. Tu peux aussi, par exemple, moi je suis allé à Lyon il y a 3 semaines, mm-hmm. J'ai écouté une émission de Starter en podcast, j'avais pas de réseau, mais j'étais sur Spotify par exemple. Ah, mais tu l'avais déjà téléchargé, ouais, on peut la télécharger l'émission. On peut télécharger. Ouais, ouais. Et par exemple, imagine, tu écoutes Actu Solite ou une autre émission d'Indestar, et à un moment donné, tu dis ah. Là, je dois partir à un rendez-vous. Est-ce que tu peux la mettre en pause? Oui. Et bah oui, tu peux. Bah oui. Et tu reprends au même moment en fait. Oh là là. C'est génial. Oh là, la technologie, c'est magique, c'est magique. Vivons la happy technologie. Ça me rappelle quelque chose. Parce que demain, bien ouais. sûr, nous n'avons pas que Actu Solide, bien sûr. Non, on vous en jaille toute la semaine. Mais il y a aussi d'autres émissions qui sont pas mal aussi. Ah bah qui sont très bien. Sont super même. Qu'est-ce qu'il y a demain? PK Avenger. Oui. Les mythes et les légendes demain. Annabelle et tous. Ils sont vraiment très beaux. Wouh ouais. Beau, je sais pas, mais bon, oui. donc, PK Avenger demain. Avec Daniel, Kevin. Thierry. Oui. Non. Si, il y a Teddy. Si, bah si, Teddy, oublie-le pas. Non, j'ai dit Thierry. Oui. Ah, j'ai entendu Teddy. Il y a Teddy aussi. Il y a Teddy ah, oui. aussi. Il y a un peu tout le monde. Il y a Daniel. Ils ont un invité spécial. Il n'y a pas d'invité de demain. Mais je crois que c'est une spéciale. Est-ce qu'on peut avoir un bêtises. Alors, c'est une spéciale mythes et légendes parce que bah, ça se rapproche d'Halloween. Ah bah, et d'ailleurs, vendredi. Il y a une spéciale. La spéciale Halloween. Ah, ouais. Et alors là, ça va envoyer du lourd hein, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde dans le studio déjà. Ah. On va pas tous vous citer, désolé. Non, mais par c'est contre, beaucoup. Ce qui est sûr, c'est qu'on devrait avoir peur parce qu'on va faire des choses qui font peur. Linda, tu nous as d'ailleurs réservé pas mal de choses. Ouais, je vous ai fait une mysterious box. Il va falloir tremper ses mains dans des petites boîtes où il y aura plein de choses. Et étrange. Un peu étrange. Ah ouais. Moi, j'ai je me hâte. Chie dessus, moi. Donc, ça, c'est vendredi 21h. Et lundi. Ouais. Il y a Starter. Yes. On va parler du permis de conduire lundi. Ah ouais. Ça concerne beaucoup de monde pour le coup. Bah ouais, tous ceux qui veulent conduire finalement. Et puis, il y a toi. Il y a moi. Il y a toi dans Starter. Ah, je suis dans Starter. Il y a, Antoine aussi. Et Antoine est aussi. Non, moi, je suis pas lundi. Ah bah non, c'est vrai que lundi ça sera Linda ouais, qui remplacera Antoine. Je vais un peu dans toutes les émissions en fait. Ah vous oui, allez non, me retrouver c'est vrai, partout. Moi. Antoine est occupé. J'y crois pas. Tu vois quand je te dis qu'il nous abandonne avec il ta copine. Il est en vacances. Ah, je suis en vacances. Donc oui, je bah, en vacances. Et tu vas où? Chez ma copine. Bah voilà. Et c'est dégueulasse parce que quand on décide d'être bénévole pour faire un bon truc en la radio, on y reste, on n'a pas d'excuses. Oui, mais je reviens mercredi. Je m'en bats les couilles, maman. Putain. Non, mais on lui en veut pas. Mais si, on lui en si. Veut. Un bout d'un moment, ça, c'est pas gentil. Le sexe, c'est pas la vie, hein. Ça dépend pour qui. Est-ce qu'il dit qu'on va forcément faire que du sexe? Parce que ici, il y a de l'eau fraîche. Et c'est pas Antonio. Et tu gardes parce la qu'on vit d'amour, mais on et aussi d'eau fraîche. D'eau fraîche. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas oublier l'eau fraîche. Dans le frigo. Dans le frigo, évidemment. Bon, on va vous quitter, hein. Oh, déjà. Elle a l'air déçue. Bah oui. Moi, je suis contente. Mais nous, regarde, nous quittons pas. Il bouge tout seul, ta souris. Mais non, c'est pas... C'est que Anaïs qui fait bugger ma souris. C'est un esprit dans le studio, on est à Halloween. Tu vois, si la madame, fallait pas lui piquer les objets. Les objets bougent. Et il s'est pas trop aidé, t'as lui. Et puis, on revient la semaine prochaine, non, moi, même heure. Même heure, même endroit, évidemment. Même pomme. Oui, ça rappelle... Vous avez quoi comme sujet la semaine prochaine, vous savez? Ah. Non, nous c'est Sophie. Ah, nous ça l'arrache. Non, mais je pourrais d'accord, vous j'ai le posé dire. La mauvaise attends, question non, visiblement. Mais on peut demander pour Recto Verso un petit teasing. Attends, est-ce qu'il le sait au moins? Attends, je vais te dire ça. Alors attendez. Parce qu'on a un agenda quand même. Non, mais... On a de la technologie, n'est-ce pas? Oui, patientez. Fais comme Jolane, je regarde dans l'agenda. Je regarde dans l'agenda. Et on sera avec un inspecteur la semaine prochaine. Ah, inspecteur Gadget. L'inspecteur d'Eric. Ah, ça c'est ancien. Je suis étonné de ce thème d'ailleurs. Bah, il fait rêver l'inspecteur Derek. Tu ça te fait rêver à toi. Ouais, peut-être. Moi, ça me fait dormir personnellement. Oui, mais on évitera de dormir parce qu'on aura une enquête à résoudre, j'imagine. Mais oui, donc, mais ça inspire Théo, voilà. C'est surtout ça. Ah oui. Et puis on va retrouver aussi question pour un concon, le champion de graine et puis tout le bazar. Le principal, c'est de rigoler. Hein. Exactement. L'important, c'est de participer, comme on dit. Voilà. Et pas de gagner.